Donc cette rencontre va questionner faire alliance avec la Terre, un vaste programme. On a déjà parlé des risques tout à l'heure, on a parlé hier de subsistance et de territoire vivant, du vivant. Alors pour échanger sur ce sujet, donc c'est une rencontre qu'on imagine plutôt comme une conversation entre nos trois invités, qui sont Sophie Gosselin, qui vient de Tours, de l'Université de Tours. Je sais que tu fais beaucoup de choses, peut-être tu peux te présenter avec tout ce que tu fais, parce que ça a l'air d'être très actif. J'écris de la philosophie, j'enseigne de la philosophie, puis je suis pas mal engagée dans les milieux associatifs, militants, autour des questions écologiques. Voilà, alors à côté de toi, Marin Schaffner, auteur, traducteur. Il faut que je me présente. Non, mais je veux bien que Philippe se présente d'abord, tu me permets, parce qu'en fait, moi, comme ça, je vais enchaîner sur l'exposition « Lancer l'alerte » et ça va lancer la discussion. Tu veux bien ? Merci. Je veux bien, ça marche. Donc, Philippe Vionduril, moi, je suis rédacteur en chef du magazine « Social Terre ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bimestriel qui paraît tous les 2 mois, consacré à l'écologie, aux questions sociales, politiques, enfin, pas mal de choses. Et on fait aussi des hors-séries tous les 6 mois avec des rédacteurs en chef ou rédactrices en chef invitées. Et le dernier, c'était avec le collectif Reprise de Terre auquel tu appartiens, Sophie. Donc j'imagine que c'est un petit peu la porte d'entrée qui fait que je suis là pour parler de ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Merci. Et Sophie, du coup, on ne l'a pas dit, mais avec David G. Bartoli, ton compagnon, tu viens de publier La Condition Terrestre. Ce petit livre, gros livre même du coup, dont on va pouvoir reparler de plusieurs manières au fil de la conversation. Elisabeth, t'avais fini, vas-y. Oui, moi je veux juste te dire qu'on a des micros parce que cette rencontre est enregistrée et qu'elle va faire l'objet d'un podcast. Et donc s'il y a des questions, on essaiera de passer des micros aux uns et aux autres pour pouvoir avoir une bonne captation. Plusieurs d'entre vous me connaissent déjà, pour celles et ceux qui étaient là hier et puis pour celles et ceux qui étaient là les années d'avant, mais je me représente quand même et je contextualise un petit peu cette discussion. Premièrement, vous avez vu qu'on a installé notre espace de discussion en cercle, donc le but ne va pas être de nous écouter pendant 2 heures, il va falloir qu'on discute, et du coup l'ensemble des perspectives, des questions, des remarques vont vite être les bienvenus. Je pense que c'est important qu'on fasse un premier temps d'introduction. On peut aussi poser le cadre de ce dont on essaye de mettre en discussion là, en cette fin d'après-midi. Donc moi, je suis auteur, traducteur et éditeur. Je travaille avec les éditions Wild Project, maison d'édition spécialisée en écologie, qui fête ses 15 ans cette année et qui a fait cette exposition « Lancer l'alerte » sur laquelle je vais revenir juste après. Moi, je suis originaire de la Manche, donc de Coutances, à 100 km d'ici. Donc mes liens avec Territoire Pionnier, ils viennent de là. Ces dernières années, moi, je travaille beaucoup sur les questions d'écologie radicale, écoféminisme, écologie décoloniale, et beaucoup sur les biorégions aussi. Cette idée biorégionale qu'on a abordée hier dans la conférence inaugurale avec Mathias Rollo et Geneviève Pruvot, moi, j'ai aussi eu envie d'essayer de la faire réatterrir en Normandie, là où j'ai grandi. Donc, une bonne partie du travail qu'on mène ensemble avec Territoire Pionnier, il est dans ce sens-là. Donc là aussi, dans les questions de faire alliance avec la Terre, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout cas, comment on fait alliance avec la Normandie quand on vient de la Normandie ? C'est une chose dont on va pouvoir rediscuter dans cette conversation. Et moi, par ailleurs, j'ai fait des études d'ethnologie. Donc un master, hein, tout simplement. Puis après, je me suis empressé d'arrêter l'université parce que je m'y sentais pas très à l'aise. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu en Asie du Sud-Est, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu avec des communautés paysannes, dans des villages où juste contre le gîte et le couvert, je travaillais dans les champs avec les gens qui travaillaient dans les champs. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Geneviève Pruvot hier soir quand elle disait que elle avait vu ça dans la sociologie, qu'elle avait fait des alternatives écologiques, beaucoup de personnes qui sont allées voyager sur d'autres continents et qui se sont confrontées à des savoir-vivre. et à des leçons de savoir-vivre, mais du coup de savoir-vivre à la fois d'hospitalité, mais aussi de savoir-vivre de mode de vie, de comment on vit, bah, peut-être du coup la question en alliance avec la Terre, qu'est-ce que ça veut dire ? L'enjeu n'est pas du tout d'idéaliser les modes de vie des communautés humaines, paysannes, autochtones, ou même urbaines d'ailleurs, aux quatre coins de la planète, mais d'essayer de voir ce qu'il y a d'intéressant au cœur de ça pour nous aider à guider nos actions à nous, aujourd'hui, ici, maintenant, enfin, quoi qu'on fasse, quoi. Et directement lié à ça, je pense que c'est aussi très important de repartir de là où on est, donc ben, la Normandie, et du coup on peut parler de contexte plus large, mais je dis ça pour ne pas oublier aussi les mémoires paysannes, la manière dont on vivait en alliance avec la Terre, ici ou pas, c'est une question, mais en tout cas il y avait des formes d'alliance avec la Terre, ou les Terres, enfin, voilà, de quoi est-ce qu'on parle exactement. Je pense qu'il y a là des fils en tout cas à tirer. Et puis avec les éditions Wild Project, l'année dernière, c'était les 60 ans de Printemps silencieux, donc le livre de Rachel Carson. Et on a eu envie, donc pour fêter les 60 ans de Printemps silencieux, de faire cette exposition qui s'appelle Lancer l'alerte, qu'on est très heureux avec Wild Project de faire venir à Caen pour un mois. Là. Et cette exposition, si vous avez pu la parcourir un petit peu, elle essaye de s'intéresser, donc, au-delà de la seule figure de Rachel Carson, à cette idée des sentinelles de l'écologie. Qu'est-ce que c'est qu'être une sentinelle aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, les sentinelles du désastre, même comme on a pu le dire. Donc là aussi, la question du désastre, des bouleversements écologiques et sociaux, et la question des sentinelles, voilà, et c'était aussi ce dont on reparlait par exemple en début d'après-midi avec les marneurs, comment on habite des territoires qui changent. Des territoires où il y a la montée des eaux, où il y a la sécheresse, voilà. Enfin, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Est-ce que là, il y a des alliances à retrouver ou pas ? Ou est-ce qu'on est coincé ? Enfin, je pense qu'il y a tout un ensemble de questions autour de ça également. Je pose des petits jalons, des pierres sur lesquelles on pourra revenir. Et la dernière de ces pierres, c'est un dictionnaire du post-développement qui s'appelle Pluriver, qu'on a traduit avec Wild Project à l'automne dernier. Qui est un livre qui a été d'abord rédigé en anglais, qui moi m'a beaucoup inspiré ces dernières années, donc je suis vraiment heureux qu'on ait pu le traduire. Et je voudrais juste en faire une petite présentation parce que il me semble que ce livre est aussi un bon ouvroir à un ensemble de discussions, de sujets en tout cas, de thèmes qu'on peut aborder dans les deux heures qui viennent. Donc la notion de plurivers, elle vient d'Amérique du Sud, mais en fait elle est aussi présente dans des tas de cosmologies, de mythes partout sur la planète, cette idée qu'on peut faire un monde de plusieurs mondes, que contre l'universalisme, il y a la possibilité peut-être de faire du pluriversalisme. C'est qu'en fait, l'ensemble des êtres humains ne doivent pas vivre comme vit l'Occident, qui a inventé l'universalisme, mais peut-être qu'on a assez de place les uns les unes les autres pour vivre dans une multiplicité de mondes qui sont enchevêtrés ou qui sont en connexion partielle. Et donc, ce livre-là a été écrit par plus de 120 auteurs et autrices, principalement des Suds. Et il s'attaque vraiment de façon charpentée, quoi, mais même frontale, à la notion de développement. Et donc à la notion de progrès, en disant, de notre point de vue, à nous qui vivons dans les Suds, le développement, c'est un colonialisme. Vous voulez nous obliger à vivre comme vous, et pour ça, vous détruisez des tas de choses qui sont nos manières à nous de vivre dans les milieux dans lesquels on vit. Donc là, on met le doigt sur un des aspects de cette alliance avec la Terre. Il y a des formes d'alliance avec la Terre, donc on va pouvoir en discuter, mais en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que c'est de plus en plus difficile depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale, et puis même qu'en fait c'était peut-être plus long que ça, on pourra reparler, remonter jusqu'aux enclosures, etc., mais c'est de plus en plus difficile, ou n'est-ce pas de plus en plus difficile, c'est une question, de faire alliance avec la Terre. Comment on vit en alliance avec la Terre ? Comment est-ce que ça se passe ? Et donc, ce qui est très intéressant avec ce dictionnaire, c'est que notamment, il documente plus de 80-90 alternatives qui se passent partout sur la planète et qui sont des modes d'organisation différents en termes d'économie, d'agriculture, de soins, de religion. Il y a vraiment plein de choses. Avec vraiment une grille, donc c'est leur mot à eux, hein, mais ils disent que ce sont des alternatives qui sont écologiquement sages et socialement justes. Tout, elle coche ces deux cases-là. Donc, qu'est-ce que c'est que la sagesse écologique et qu'est-ce que c'est que la justice sociale ? En tout cas, cet entremêlement de écologique et sociale et de sagesse et de justice me paraît être aussi quelque chose d'intéressant. Et avant de lâcher ce micro et de donner la parole à Sophie, qui va pouvoir enchaîner, vu le petit extrait que je vais lire, tu vas voir. Je voulais lire un petit bout de texte. C'est donc le post-scriptum de ce gros dictionnaire. Je lis le début, c'est très court, mais pareil, je trouve que ça permet de bien poser le cadre. À la fin de ce dictionnaire, donc, les auteurs et autrices écrivent « Le monde traverse une crise sans précédent, engendrée par un régime dominant, qui s'est traduite par le creusement des inégalités, la multiplication de nouvelles formes de privation, la destruction des écosystèmes, le changement climatique, la déchirure du tissu social et la dépossession de tous les êtres vivants dans une violence immense. Cependant, les deux dernières décennies ont vu l'émergence d'une impressionnante variété d'alternatives radicales à ce régime dominant et à ses racines qui plongent indéniablement dans les forces capitalistes, patriarcales, racistes, étatistes et anthropocentriques. Ces alternatives vont d'initiatives portant sur des secteurs spécifiques, tels que l'agriculture soutenable et holistique, la souveraineté communautaire en matière d'eau, d'énergie et d'alimentation, l'économie solidaire et de partage, le contrôle par les travailleurs et travailleuses des installations de production, les communs en matière de ressources et de connaissances, la paix et l'harmonie interethnique, mais elles vont aussi vers des transformations plus holistiques ou globales, comme celles tentées par les apatistes au Chiapas et par les Kurdes au Rojava, en passant par la renaissance d'anciennes traditions ou l'émergence de nouvelles visions du monde qui rétablissent la place de l'humanité dans la nature et les valeurs de dignité humaine, d'égalité et de respect de l'histoire. Tout cela, nous l'appelons la tapisserie mondiale des alternatives. Merci, mais pas évident de rebondir. Enfin, il y a tellement de choses que... c'est vrai que... Nous, c'est un petit peu le point de départ du constat du livre « La condition terrestre », c'est-à-dire de partir de « oui, on vit cette catastrophe écologique », on peut la nommer de plein de différentes manières, il y en a qui l'appellent anthropocène, on changerait carrément de régime temporel, en fait, parce qu'on serait plus simplement dans le temps de l'histoire humaine, donc on serait pas simplement dans une crise humaine, mais dans quelque chose qui veut dire se réinscrire autrement dans le temps. » Et du coup, la question, c'est comment on y répond. Enfin, nous, c'était un petit peu ça le point de départ du livre, de dire, comment on y répond ? C'est-à-dire, est-ce que simplement on attend qu'il y ait des solutions qui sont déjà, en fait, toutes ces catastrophes-là, elles ont déjà été intégrées dans les politiques, les logiques de gouvernance à l'échelle mondialisée, notamment. Mais on sent bien que ça prend du temps pour qu'il y ait des processus plus communautaires, plus populaires qui émergent, qui se ressaisissent de ces questions et qui justement se ressaisissent de manière démocratique et que ça ne soit pas simplement une espèce de programme d'adaptation qui soit surplombant, qui soit imposé, soit à travers des solutions techniques, soit à travers des solutions d'ingénierie, mais qui, comment on fait pour remettre en chantier en fait des vrais processus politiques au sens noble, au sens où c'est comment on se réengage collectivement pour décider et reprendre un peu la main sur nos conditions de vie, en fait. Et du coup, nous aussi, dans le livre, on s'est intéressé on a essayé de repérer certains processus qu'on appelle institutionnels, parce que l'idée d'institution, c'est comment on inscrit une communauté dans le temps. Et du coup, c'est en ce sens-là qu'on reprend l'idée d'institution, et on pense l'idée d'institution terrestre. Et l'idée, c'est de dire... Pour répondre à la catastrophe d'aujourd'hui, on va aller chercher là où, dans le monde aujourd'hui, il y a des tentatives politiques qui indiquent des points de bascule et comment, à la point de rencontre entre tous ces différents points de bascule, il y a quelque chose comme un autre horizon politique qui peut se dessiner. Et c'est ça qu'on appelle un petit peu la condition terrestre. Et du coup, le point de départ, enfin pour nous, ce qu'on a appelé point de bascule, c'est le fait que, en fait, on accepte de se dessaisir, de se destituer de cette posture de toute puissance que met encore en scène le récit de l'anthropocène, cette idée que ce serait l'humanité qui donc aurait créé cette catastrophe écologique et du coup il faudrait que l'humanité soit éclairée pour sortir, donc éclairée par qui ? Par une élite qui va du coup proposer des solutions pour sortir de, enfin pour en tout cas gérer cette catastrophe et du coup qui maintient encore cette idée d'une humanité comme ça qui serait un peu encore en position d'extériorité par rapport à ce qui est appelé la nature ou la terre. Et du coup, nous, c'est dire, ben non, il faut, ça serait plutôt de se destituer ce pouvoir-là et repenser d'autres manières de faire peuple, d'autres manières de faire communauté depuis les milieux de vie, en incluant à la fois les humains et les autres qu'humains. Et du coup, de tenir, et donc par exemple, la question de l'eau, la question des bassins versants, parce que nous, on habite sur la Loire, et juste petit élément biographique qui permet quand même de comprendre. Enfin, moi, je viens d'une famille irlandaise, donc je suis exilée. Donc j'arrive sur la Loire et la question qui m'a obsédée pendant des années, c'était mais où est-ce que j'habite en fait ? Enfin, qui je suis ? Comment je vis dans ce monde où je ne sais pas trop à quoi me raccrocher ? Parce qu'il y a une espèce d'exil de force hein, qui est lié à une histoire coloniale. L'histoire de l'Irlande dans une misère, enfin une famille paysanne qui a vécu dans une misère terrible, qui a été provoquée par des siècles de colonisation, des institutions politiques et religieuses extrêmement violentes, et avec de la difficulté d'hériter de ça. Et en fait, ce qui m'a permis de réussir de retrouver un lien, ça a été d'aller au Brésil et de découvrir le mouvement des sans-terres. Et tout à coup, le mouvement des sans-terres, ça a mis un mot, un nom sur ce mon expérience intime, ce que je me vivais comme une sans-terre. Et en fait, ce qu'ils m'ont appris là-bas, ils m'ont permis de remettre en perspective mon propre vécu en France et de dire, bah, quand on a été privé d'une terre, quand on a dû s'exiler, quand on a été arraché à la terre, bah, du coup, comment on peut retrouver un lien qui fasse sens? Et ça a été une forme de leçon, hein, en fait, de découvrir le mouvement des sans-terres et de voir comment... Donc, tous ces, alors, le mouvement des sans-terres, juste pour resituer, c'est des anciens travailleurs paysans, parce que la colonisation, là-bas, a imposé le système des grands propriétaires. Donc, en fait, il n'y avait pas de petits paysans. Il n'y avait que des ouvriers paysans qui travaillaient donc, pour des grands propriétaires. Et au cours des années sous la dictature, en fait, a commencé tout un mouvement de spéculation sur les terres qui fait qu'il y a des milliers de travailleurs paysans qui se sont retrouvés donc, mis au chômage parce qu'il y avait la spéculation sur la terre. Et du coup, ils se sont retrouvés à nourrir les favelas des grandes villes. Et donc dans une misère effroyable. Et en fait, vers la fin de la dictature, il y a une branche de l'Église qui est la théologie de la libération qui a commencé à organiser en fait ces anciens paysans et qui a posé les bases de ce qui, au moment de la fin de la dictature, allait devenir le mouvement des sans-terres parce que à la fin de la dictature, en fait, ils ont inscrit dans la Constitution la réforme agraire. Ce pourquoi il y avait eu la dictature au départ, en fait, c'était parce que, en fait, l'ancien gouvernement avait inscrit la réforme agraire. Et donc, ils ont réinscrit la réforme agraire. Et du coup, le mouvement des sans-terres a émergé de ça. C'est quoi ? C'est des centaines et des centaines de personnes qui vivent dans ces favelas qui s'organisent pour aller dans les campagnes et aller, en fait, exiger, occuper des champs qui, justement, sont l'objet de spéculation, donc qui ne sont pas cultivés, et qui recréent des villages, recréent des écoles, recréent tout, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Enfin, c'est la médecine, ils revoient tout, avec un double héritage, à la fois, disons, plutôt marxiste, et aussi, on sent un héritage qui est quand même lié à des traditions, disons, indigènes, autochtones. Et du coup, en fait, ce qu'ils apprennent, c'est en acte à essayer de réinventer collectivement retrouver justement un lien à la terre, d'autres manières de faire communauté. Et donc moi, depuis que j'ai rencontré le mouvement des sans-terres, mon obsession était, mais comment on fait ça dans un contexte comme celui de l'Europe ? Comment on met en branle un processus de cet ordre-là, où on repense la manière de faire communauté ? Et du coup, l'émergence de toutes les questions écologiques, en fait, pour moi, je l'ai perçu aussi comme l'occasion, c'est-à-dire pas simplement sur un mode catastrophique, mais aussi comme l'occasion de justement retrouver un lien à la terre qui a été collectivement perdu et dont maintenant on découvre en fait qu'on l'a perdu, qu'en fait on a invisibilisé, on a écrasé, on a détruit tous ces liens en fait d'interdépendance qui nous constituent, qui nous relient aux autres vivants. Et que du coup, là, il y a une occasion pour remettre en perspective, remettre en chantier en fait un horizon politique. Et donc, mais je pourrais après donner des exemples plus concrets, disons, de comment comment on envisage ça, comment c'est en train de se faire, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est d'accompagner ce qui est en train d'émerger déjà. Philippe, est-ce que tu veux enchaîner avec le hors-série Reprise de Terre, peut-être ? Ça fait des liens. Je vais essayer de faire un arc. En fait, déjà, il faut qu'on s'entende sur ce dont on parle, parce que quand on dit retrouver un lien à la Terre ou renouer avec la Terre ou faire alliance avec la Terre, est-ce qu'on met un grand T ou un petit T ? Déjà, ça me semble hyper important. Et je dirais surtout de ne pas mettre un grand T, c'est-à-dire que si c'est pour parler en termes d'abstraction, la planète, la nature, le vivant, avec des grandes majuscules, qui sont en fait juste des abstractions qui correspondent justement au fait qu'on est déconnecté de liens avec les choses dont on parle et qu'on retraduit politiquement par des choses qui sont inopérantes. Donc on protège le climat, on va sauver le climat maintenant. Alors, le climat, il sera toujours là déjà. Hein. On va protéger la planète. Non, en fait, personne ici protège la planète. On protège au mieux un territoire, un foyer, une idée, mais pas la planète. Voilà, donc, déjà, je pense qu'il faut vraiment... Enfin, du coup, c'est... Je pense que c'est vraiment le hors-série, personnellement, qui m'a fait comprendre à quel point la question terrienne, au sens de foncière des terres, était capitale. Et je pense que pour le bien des échanges par la suite, peut-être qu'il faut le dire, puisque même quelqu'un qui lit pas mal sur ces sujets n'avait pas forcément conscience de ça. Mais au départ de ce qu'on a pu appeler le naturalisme, donc l'idée qu'il y aurait la nature qui nous environne lointaine, puis que nous, on est la culture, on est au centre, au départ de la civilisation industrielle, donc c'est-à-dire, on va dire, à le début 19e pour être très schématique, et au départ du développement économique, il y a le déracinement des paysans de leurs terres. En fait, on a, donc on parle souvent des enclosures, donc on dit on a fait des enclos autour des terres, et les bourgeois ont acheté les terres, etc. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des gens qui travaillaient la terre et qui pouvaient vivre des fruits de la terre. Et donc, il y avait un rapport de subsistance, c'est-à-dire ils étaient maîtres de leur survie par la culture directe de la terre. Et en fait, en faisant ce geste, la bourgeoisie a en fait sapé les possibilités de subsistance d'une grande majorité de la population, ce qui fait que cette population, non seulement a créé le prolétariat en partant dans les villes et en vendant sa main-d'œuvre, en devenant ouvrier, etc., mais ça veut dire que pour survivre, ne pouvant plus cultiver la terre, il faut se vendre sur le marché du travail pour gagner une monnaie d'échange, l'argent, qui permettra d'acheter sa subsistance, c'est-à-dire d'acheter la nourriture et un toit, hein, un loyer et la bouffe. Donc à partir du moment où cette rupture est créée, on voit à quel point, en fait, toute l'implication que ça a, c'est énorme, mais à quel point on devient complètement dépendant de la société et de son organisation, et maintenant on dirait du capitalisme, la société industrielle, peu importe, pour subvenir à sa propre existence, et donc à quel point ça réduit en fait le champ des possibles. Et si aujourd'hui on se sent peut-être tous aussi complètement étouffés dans les horizons qu'on pourrait avoir, dans les possibilités d'action qu'on a, etc., c'est en grande partie parce qu'on est tous complètement dépendants de la société, en fait. Et on a très peu d'espace où on pourrait se dire, mais en fait, je refuse, je romps, etc. Parce qu'à la fin, il faut quand même bien se nourrir, il faut bien avoir un toit, etc. Ça paraît très bête, hein, mais tout ça part quand même d'un rapport à la Terre qui a été rompu. Donc du coup, quand on dit le lien à la Terre, moi, je pense que là, il se joue quelque chose de très important, mais dont il faut pouvoir aussi voir les conséquences. C'est-à-dire que il y a des intellectuels comme par exemple Aurélien Berland dans Terre et Liberté, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Terre et Liberté, qui est paru l'année dernière. Il parle, lui, de tournant subsistentialiste, donc un peu dans une fibre écoféministe, peut-être qu'on y reviendra par la suite, et inspiré d'ailleurs des Suds. Il dit, pour qu'il y ait un projet politique émancipateur qui renoue avec une authentique idée du bonheur et de la liberté, il faut renouer en gros ce lien de subsistance, donc ce lien avec la Terre. Donc c'est ce qu'il appelle le tournant subsistentialiste. Sauf que l'implication de ça, il faut être prêt à l'accepter. Ça veut dire qu'on sort de la société industrielle, quand même. Ça ne veut pas dire qu'on revient à quelque chose de complètement agraire, etc. On ne parle pas de... je pense qu'il y a encore plein de manières de retrouver des formes de subsistance collective sans forcément revenir à, en gros, au 18e ou au 17e siècle. Mais il y a quand même... C'est-à-dire qu'on sort d'une division du travail, puisque chacun doit quand même reprendre en charge une partie au moins de sa subsistance et de sa survie. Et donc, on ne peut plus diviser le travail comme on le fait maintenant, on ne peut plus avoir les infrastructures qu'on imagine aujourd'hui, on ne peut plus avoir, bien sûr, le modèle économique, vous imaginez bien. Voilà. Donc, du coup, moi, je pense que ces réflexions, elles me semblent pertinentes, elles sont démesurées dans ce qu'elles impliquent. Et moi, la question, du coup, que j'aurais pour peut-être lancer aussi le débat, c'est à quel... quel peut être là-dedans le rôle des exemples des Suds ou de sociétés, parce que ce qu'on décrit par exemple sur les paysans sans terre, etc., on se dit ah ouais, c'est les pays du Sud, je caricature, hein, mais c'est les pays du Sud, etc. Mais en fait, ils vivent que encore aujourd'hui, ce que nous on a vécu en fait il y a un siècle et demi, en gros. Donc de voir leur réaction aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses à prendre pour nous ou des erreurs qu'ils font à ne pas refaire, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, moi, la seule question, c'est parce que, bon, une fois qu'on a dit qu'ailleurs, il se passe ceci, ou qu'il y a du colonialisme, etc., moi, ce qui m'intéresse, c'est le débouché politique dans ces exemples-là, pour nous, en tant que Français, ou habitants d'un territoire, près de Caen, ou peu importe. Et voilà, donc moi, je ne sais pas si vous avez des éléments à apporter là-dessus, mais je serais très preneur pour Social Terre. Est-ce que tu nous parles un petit peu de reprise de terre quand même, pour rattacher à du truc concret, comme ça après on va pouvoir réembrayer sur ce que tu nous proposes. Alors, je vais pas revenir au point de départ parce que ça serait trop long, mais en fait, moi je fais partie aussi de la revue terrestre, hein, qui est une revue en ligne qui essaye de remettre en perspective un petit peu les questions politiques d'aujourd'hui en tenant compte depuis la perspective écologique. Et c'est au sein de... Enfin, c'est certaines personnes de cette revue qui à un moment, ont fait un constat qui était... Il y a plusieurs constats, mais un des constats, c'était il y a des terres agricoles qui vont être... libérés, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas d'héritage, il n'y a personne qui va les reprendre dans quelques années, là. Et du coup, le risque, c'est qu'ils viennent l'objet de spéculations, d'accaparement, soit de d'agriculteurs industriels, soit d'autres opérateurs économiques. Et du coup, là, du coup, on perdrait encore, une forme de... Enfin, toutes les pratiques paysannes, on irait encore plus loin dans les logiques d'industrialisation. Et ça rencontrait aussi d'autres questionnements. C'était tous les questionnements autour des pratiques de réensauvagement. On avait rencontré une association qui s'appelait l'ASPAS, qui rachète, en fait, des terres pour laisser, justement pour ne pas exploiter la terre, pour au contraire la laisser revivre et qu'il y ait des processus de libre évolution qui se remettent en route. Et donc, un petit peu au croisement de cette question-là, plus après un troisième questionnement qui était la question des terres en ville. Hein. C'est le moment où il y a eu pas mal de luttes, notamment autour du Grand Paris, sur le fait que la destruction de jardins collectifs, de jardins ouvriers, et la question de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour construire le Grand Paris, de encore une fois délocaliser la production, par exemple maraîchère, déposséder les habitants des petits moyens de subsistance qui restent, et donc avec tout ce que ça pose comme question de l'alimentation à des échelles aussi énormes que Paris, quoi. Et donc c'est un petit peu ces questionnements-là qui étaient en arrière-fond d'un processus donc qui s'appelait reprise de terre, qui s'est ouvert, processus collectif d'enquête collective sur justement autour de ces différentes problématiques, donc autour de trois axes. Un, les transformations du monde agricole, comment repenser les pratiques agricoles, et notamment par exemple avec ce qui a été développé par l'Atelier Paysan, qui a publié un livre qui est vraiment intéressant, qui reprend la terre aux machines, et qui aussi sont un peu à l'initiative de ce qui aujourd'hui est en train de prendre la forme de la sécurité, du mouvement sécurité sociale de l'alimentation, pour repenser toute la chaîne de l'alimentation, un petit peu en reprenant le modèle de la sécurité sociale. Et donc il y avait cet axe-là, l'axe plus réensauvagement, libre évolution, reprendre les terres, mais aussi déprendre les terres. Et puis un autre axe, c'était les terres en ville, quoi. Et puis, donc c'était un petit peu ça. Donc il y a eu tout ce processus d'enquête qui a abouti à... L'idée, c'était à travers ce processus d'enquête de mettre aussi en contact des acteurs différents, des acteurs qui ne se parlent pas et qui, des fois, sont même en conflit. Au moment où on a initié le processus, il y avait un gros conflit, notamment entre justement ceux qui défendaient la libre évolution et, par exemple, les paysans comme la Confédération paysanne, parce que, il y avait l'idée que le fait d'acheter des terres pour les laisser en libre évolution, en final, allait être compatible avec des logiques de compensation à plus grande échelle, par exemple, et que du coup contredisait les processus de réappropriation des terres par les paysans. Donc il y avait beaucoup de conflits. Donc l'idée, c'était plutôt que de rester dans ces conflits, comment réussir à faire dialoguer en fait ces différents acteurs pour recréer et ouvrir un horizon commun. Et donc, du coup, tout ce travail d'enquête a abouti à une rencontre sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était il y a 2 ans, une semaine, en fait, avec plein de rencontres. Et puis, c'est suite à cette rencontre, le but de cette rencontre, c'était ça, c'était essayer de dénouer des conflits, de recréer des alliances entre différents acteurs sur ces questions de la Terre, essayer de recréer un espèce de front commun. Et derrière, il y a eu du coup le projet de faire une édition pour essayer de rendre compte un petit peu de toutes ces réflexions et que ça serve aussi de support pour discuter, pour aller dans l'espace public et de en fait un petit peu de faire exister cette question-là politiquement, quoi. Donc, alors juste, je voudrais juste revenir sur la question de la terre et terre avec un grand T. Moi, je suis d'accord avec la critique qui est il faut sauver la planète. Et là, du coup, ça reconduit tout de suite. On voit la planète bleue comme si on était extérieur à la planète, qu'il faudrait sauver la planète comme une espèce de tout indifférencié, enfin un peu global. Et je pense qu'en effet, cette vision-là, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant la Terre, c'est le point de vue qui prétend pouvoir s'extérioriser de la Terre. Mais par exemple, moi, ce que je trouve vraiment intéressant. Dans les luttes autochtones ou indigènes, enfin il y a différents noms en fonction des lieux, c'est que justement par exemple nous on reprend un concept d'écoféministe maya qui parle de corps-territoire et en fait c'est corps-territoire-terre, c'est-à-dire que pour eux en fait la terre n'a de sens que depuis là où on vit. Depuis le milieu où on vit. Mais on ne peut pas opposer la Terre où on est de cet horizon commun. Pourquoi ? Par exemple, l'exemple de l'eau est intéressant, parce que, par exemple, si on se situe sur l'échelle d'un bassin versant, par exemple sur la Loire, quand les anguilles, en fait, on voit les anguilles disparaître là, et en fait, les anguilles, elles viennent des sargasses. Et donc, en fait, c'est tout le cycle en fait, de l'eau qui est remis en question. Et ce cycle de l'eau, il ne peut pas se penser qu'à l'échelle locale. Et donc, à un moment, si on commence à penser comment on prend soin de notre milieu de vie, comment on prend soin du corps-territoire, on est obligé de repenser aussi à différentes échelles. Et du coup, les communs, on pourrait dire locaux, n'ont de sens que parce qu'on tient compte aussi de toutes ces chaînes d'interdépendance et différentes strates de temporalité qui fait que, à un moment, il y a bien quelque chose qu'on appelle terre, mais qui est plus un espèce d'horizon que vraiment une sphère qu'on pourrait saisir de l'extérieur. Moi, c'est plutôt comme ça que je vois, c'est-à-dire plutôt essayer de voir les différentes échelles auxquelles on doit agir. Et je pense qu'aujourd'hui, une des reconfigurations, et ce que moi, par exemple, parce que nous, on fait tout un chapitre sur le mouvement des zapatistes, Chiapas. Et là, pour moi, où ils sont très, très forts, vraiment, ils proposent vraiment un reversement politique. C'est pas seulement sur la question de l'autonomie, où déjà, sur ça, ils sont très forts, mais c'est aussi sur la manière de s'envisager dans le temps. C'est-à-dire qu'ils essayent justement, Jérôme Bachet, qui est un petit peu, en France, le spécialiste des apatistes du Chiapas, parce qu'il habite... de Chiapas, donc il les connaît bien, du coup il est un peu le relais français de ce qu'ils font, et qui disait qu'en fait ce qui était intéressant dans leur stratégie politique de lutte, c'est que c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils vont intervenir dans l'espace public, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre temporalité, ils ne sont pas soumis au temps médiatique, au temps politico-administratif de l'État mexicain, mais ils ont leur capacité d'affirmer une autre temporalité. Et ça, pourquoi ? Et ça revient dans tous les textes qu'ils écrivent, c'est que, en fait, ils se pensent depuis un temps qui est celui, justement, des cycles terrestres. Ils ne se pensent pas depuis le temps, simplement, de la société humaine et de la petite gestion politique à court terme. En fait, eux, ils ont vécu déjà une fin du monde, même plusieurs, enfin, avec la colonisation, et du coup... la fin du monde qui arrive, c'est encore une autre fin du monde. Mais vu que leur temporalité, elle est à un autre niveau, elle est à un niveau terrestre, bah, du coup, ça leur donne une puissance politique qui est, qu'on n'arrive pas à voir, il me semble, pour l'instant, dans les sociétés, disons, plus modernisées, parce qu'on s'inscrit toujours à des échelles temporelles hyper courtes. On n'arrive pas à s'envisager sur d'autres échelles temporelles. Et il me semble que la puissance politique, la véritable puissance politique, elle doit se penser dans le temps. Et c'est ça, penser l'institution, c'est comment on s'inscrit dans des temps longs qui fait qu'on n'est plus tout le temps soumis à des questions que d'urgence. C'est ça qui nous permettra de retrouver une force collective. Et après, mais je pense que ce que tu soulevais, c'est aussi très intéressant dans le sens où c'était un peu la fin de la discussion hier soir aussi entre Geneviève Pruvot et Mathias Rollot. C'est il y a bien sûr une urgence à récupérer du foncier. Tant qu'on fera pas ça, en fait, on pourra pas faire grand chose parce qu'en fait, la subsistance, elle passe nécessairement par là. Et en même temps, et c'est difficile et c'est sujet à des tas de débats, mais la manière dont on récupère ce foncier, peut-être qu'elle compte aussi. Parce que ce dont on hérite en termes d'occupation du foncier au cours des 150 dernières années, bah, c'est ça qui nous amène dans la situation catastrophique dans laquelle on est. Donc il faudrait réussir à récupérer ce foncier en faisant autre chose. Enfin, là, il y a tout un ensemble de choses qui s'ouvrent. L'atelier paysan, par exemple, travaille très bien sur ça. Mais moi, c'est là où des expériences d'autres endroits du monde, mais pas forcément très loin d'ailleurs, mais d'autres endroits du monde, quels qu'ils soient, de regarder ailleurs que juste chez soi. C'est aussi vachement intéressant parce que tu vois que, par exemple, il y a des manières qui subsistent encore aujourd'hui, mais qui existaient déjà ici avant, de prendre soin du milieu dans lequel on vit et que quand on s'en va, il est en meilleure santé que quand on est arrivé. Ça, nous, on a complètement oublié. Ça, on ne sait plus faire ça aujourd'hui. Notre monde agricole, paysan, a complètement oublié ça. Alors, ça revient un petit peu avec l'agroécologie, avec la permaculture. Il y a des choses qui restent, mais par exemple... Quand on voit, je sais pas, un des grands exemples des dernières décennies, c'est quand même le remembrement. On n'avait en fait plus aucune conscience de la puissance, la vitalité, la richesse du bocage, de l'ensemble de ces haies qui avaient maillé les paysages et le territoire, qui retenaient les eaux, qui amenaient de la fertilité, de la fraîcheur. Et ça, on l'a détruit. Et donc, le truc, c'est, il me semble que là où, dans cette question de faire alliance avec la Terre, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, nous qui avons grandi hors sol, qui sommes un peu déracinés. Enfin, moi, je dis ça en ayant grandi à la campagne en plus. Donc, en fait, je sais faire pousser des carottes et des pommes de terre. C'est pas là l'enjeu. Mais au-delà de ça, la société de laquelle on est, il me semble qu'elle prend pas soin de la Terre. En fait, on mange mal, globalement. Parce qu'il y a ça aussi, c'est du coup cette subsistance. Du coup, je trouve ça vachement important ce que tu dis. En même temps, il me semble que la question de la majuscule, ce que tu soulevais, elle permet aussi d'élargir un peu le prisme et de dire c'est pas qu'une question foncière, c'est pas qu'une question de produire de l'alimentation, c'est pas qu'une question de subsistance, elle est centrale. Mais en même temps, la manière dont on subsiste, la manière dont on prend soin de cette terre avec une minuscule, ben, si on a derrière la conscience que, ben, par exemple, c'est vivant, tu vois, c'est Gaïa, que c'est un super organisme qui nous porte et qu'on fait partie d'une communauté biotique qui est bien plus large, bah du coup, on n'utilise pas la Terre avec une minuscule de la même manière que si on n'en a pas conscience. Enfin, il me semble qu'il y a un truc à cet endroit-là, un truc de culture collective écologique, mais je ne sais même pas s'il y a besoin de dire écologie, tu vois, d'enchevêtrement avec un milieu de vie où là aussi, il nous manque quelque chose. Là aussi, il y a une dépossession. Ben, moi, je ne voulais pas critiquer la question que puissent exister des abstractions ou des niveaux supérieurs, par exemple, comme tu dis, la Terre ou Gaïa. Ce qui me paraît très problématique, c'est quand on entre par là, en fait, ou quand on prend ça comme objet direct. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand on dit il faut sauver la Terre ou le climat ? Et ben, en fait, vu que c'est tellement un hyper-objet, c'est tellement énorme en dehors de toute préhension individuelle ou même collective, que du coup, on est obligé de demander l'aide et la collaboration des gouvernements. Donc ce qui se passe, c'est que maintenant, on a un mouvement climat qui est enchevêtré dans « les États doivent agir ». Alors maintenant, il n'y a plus que 213 jours pour agir, il n'y a plus que 10 jours pour agir. Pourquoi Emmanuel Macron n'agit pas ? N'a-t-il pas compris ? Mais et du coup, voilà, la porie, moi je pense qu'il y a dans le fait de passer par ce type de superstructure, et Gaïa, issue de la théorie de James Lovelock, etc., qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est que du coup, si on part par cette abstraction d'une sorte d'entité terrestre qui marche par flux et par échange de flux et par rétroaction, et du coup le cycle hydrique influe les cycles géologiques et donc le biologique, etc., etc., eh bien, en fait, on demande l'aide à qui ? Aux ingénieurs. Donc maintenant, on a un discours d'ingénieur qui est en train de monter en puissance, mais phénoménal, qui marche à coût d'équivalent tonne carbone, qui marche à coût de plus 1,5 ou 1,6 degrés. Alors, on va dépasser les 1,5, on va être à 1,7. Mais c'est pas grave, on va pomper du carbone à hauteur de 3 gigatonnes par an d'ici 2027. Enfin, voilà ce que c'est, voilà. Moi, donc ça c'est ça mon inquiétude. Et donc pour la ramener sur la question des terres, parce que je pense que c'est vraiment lié, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tu parles de territoire et de terres et de refaire autrement avec les vivants qui y sont aussi, avec d'autres pratiques, etc. Donc typiquement le remembrement que tu évoques, je pense que les gens savent pas. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le remembrement, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a dit ok, il faut plus jamais qu'il y ait de famine, de problèmes de production alimentaire, etc. Le gouvernement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des parcelles qui vont plus être des toutes petites parcelles, mais des immenses champs dans lesquels on va mécaniser à fond pour faire passer des énormes tracteurs et passer en monoculture. Comme ça, on aura des rendements agricoles qui seront tels, des productions agricoles qui seront telles que plus jamais on aura de problème d'alimentation. Et en plus, on va développer une industrie qui va exporter, etc. Et donc, pour ce faire, il a fallu remembrer, c'est-à-dire repatcher ensemble des petites parcelles et en faire des plus grandes, en expropriant les gens, en leur donnant des compensations, donc les paysans. Hein. Et pour y arriver, évidemment, il fallait aussi effacer toutes les haies. Donc du coup, parce que les haies séparées, donc les haies où il y a toute cette biodiversité, etc. Et donc, on a supprimé de la carte 750 000 km de haies, voilà, du jour au lendemain, avec tous les habitats que ça crée. Enfin, 750 000, c'est le chiffre, hein, en 10 ans, hein. Enfin, en deux décennies, 50-60. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a créé comme modèle agricole. Et donc d'ailleurs, quand on parle de reprise de terre, donc effectivement, c'est 50% des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici la fin de la décennie et qui libèrent 25% des terres agricoles françaises. Voilà le chiffre précis. Savoir que, bien sûr, là-dedans, il n'y a pas que des terres qui sont... Il y a plein de paysans qui cultivent avec des pesticides, etc. On ne parle pas... Ce n'est pas des paysans qui partent à la retraite. Hein, c'est, bon. Donc, c'est une opportunité de reprise, etc. Mais on aura aussi des terres qui sont dégradées, qui sont quasiment plus fertiles, etc., etc., dans tout ça. Donc, c'est la question que tu poses. Et donc, quand on dit on fait alliance avec les vivants, etc., c'est pareil. Moi, je vois émerger... Alors, je parle depuis mon prisme de journaliste, de rédacteur en chef, c'est encore pire. Mon boulot, c'est de repérer des signaux faibles et d'en faire des sujets pour essayer de vendre des magazines. Voilà. Donc du coup, moi, les signaux faibles que je vois émerger, c'est tout un discours depuis 2-3 ans qui était beaucoup porté notamment par Baptiste Morisot, quelques figures un peu médiatisées, de parler des vivants, d'alliance avec le vivant, etc. Et après, il y a eu Latour aussi qui s'est beaucoup emparé de ce sujet-là, qui l'a médiatisé, qui disait sur un plateau télé où j'étais présent qu'il fallait faire la révolution avec des vivants. Enfin voilà, donc je sais pas ce que c'est, voilà, avec des chouettes, je sais pas. Mais voilà, on arrive sur des abstractions de faire alliance avec des vivants. Alors bien sûr, moi je comprends très bien ce que Sophie Gosselin dit quand elle dit ça, par exemple. Enfin, tout à l'heure, tu ne l'as pas dit comme ça, mais l'idée, en tout cas derrière, je pense y est. Mais si on part de là, on arrive à des abstractions qui font que, bon, bah, moi, je pense que je dis ça à mes parents, à mes oncles, à mes camarades, ils comprennent rien du tout de ce que j'en suis en train de parler, quoi. Ils comprennent pas. Et on fait rien ensemble, du coup. Alors que, par contre, se dire, effectivement, qu'est-ce qui, dans une terre, et dans son usage, et dans les outils fonciers, les outils juridiques, etc., qu'est-ce qui pourrait peut-être subvertir cette vision complètement anthropocentrée, productiviste, extractiviste, etc., peu importe comment on l'appelle. Et peut-être, moi, ma démarche serait plutôt de repartir de là. Et du coup, c'est vrai que là aussi, beaucoup moins médiatisé, mais il y a aussi des réflexions qui sont menées en ce moment, donc on évoquait ça avant, par exemple Sarah Van Uxem, qui est juriste, ou Pierre Crétois, qui est aussi juriste, et qui tente de subvertir le droit de propriété pour dire, en fait, on ne va pas faire des communs parce qu'on sera inspiré de telle tribu, etc. Non, on va reprendre nos droits de propriété. On en a fait une interprétation historique qui a mené à ce qu'on appelait l'abusus, enfin, c'est dans le droit de propriété, c'est-à-dire qu'on peut disposer complètement de son bien, en faire ce qu'on veut de sa terre, tant que la loi ne l'interdit pas, en gros. Une sorte de vision absolutiste de la propriété privée. Mais en fait, c'est une interprétation du droit, mais ça n'a jamais été écrit vraiment comme ça. Nous pouvons, dans notre propre tradition juridique, réinterpréter ce droit d'une autre manière, qui inclut, là après je pourrais développer plus longtemps, mais qui inclut les vivants non humains. Donc typiquement, Pierre Crétois lui parle de la part sociale, la part politique et la part naturelle dans un commun. Et donc il dit que nous, quand on exploite une terre, par exemple, il faut qu'on rende finalement à chacun sa part et que donc on ne peut repenser la propriété commune que à partir des cohabitants en fait et des droits respectifs en fait finalement de chacun. Faut arrêter de croire que parce qu'on possède la terre on est maître, que parce qu'on est paysan on fait pousser tout seul les produits. En fait non, c'est une collaboration. Voilà ce genre de choses. Ou Sarah Van Uxem qui parle de de choses habitat, je crois, pour choses milieu, pardon, pour essayer de repenser, par exemple, une terre, non pas comme une chose, mais plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a des cohabitants, et donc on pourrait se dire, par exemple, qu'on pourrait commencer à exploiter une terre qu'une fois qu'on a pris en compte la nécessité de mettre des haies, des habitants de ces haies et tout ce qu'ils apportent en fait dans l'écosystème, des cycles hydriques, etc. Et qu'à partir de tout ça, par exemple, commence finalement l'exercice du droit de propriété, l'autre versant qui est le fructus, c'est-à-dire récolter les fruits de son labeur, etc. Voilà, donc moi je trouve aussi ces démarches-là, qui ne sont pas d'ailleurs du tout antagonistes, intéressantes, mais encore une fois elles repartent du concret, de la matière, et non pas des abstractions qui sont aujourd'hui véhiculées dans l'espace public, y compris par certains courants intellectuels, etc. Voilà. Alors, juste sur la question du droit, nous aussi on s'est beaucoup intéressé à la question du droit, parce que derrière la question du droit, c'est la question de l'État. Et parce que l'État moderne est un État fondé sur le modèle du droit. Mais nous, on a plutôt été chercher du côté des droits de la nature, qui est un mouvement qui émerge à l'échelle mondiale et qui, justement, au début, a plutôt été porté par des communautés, disons, indigènes. Enfin, pas que d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hybridation en fait que ça à laquelle ça oblige. Parce qu'au départ, en fait, c'est plutôt des collectifs, des communautés qui étaient dans une démarche de reconnaissance. Alors, ça dépend. Par exemple, si on prend l'exemple du Wanganui en Nouvelle-Zélande, où c'était un peuple maori qui donc avait été dépossédé de ses terres. Et qui donc s'est battu depuis plus d'un siècle hein, pour justement. Alors il y avait des débats sur est-ce qu'il faut passer par la propriété ou pas passer par la propriété, parce que eux n'avaient pas le sens de la propriété. Hein, enfin, la propriété n'avait pas de sens puisque ils appartiennent en fait. C'est eux qui appartiennent en tant qu'humains au fleuve et pas l'inverse. C'est pas le fleuve dont ils sont propriétaires. Et donc il y avait tous des questionnements internes hein, sur est-ce que du coup il faut quand même utiliser la stratégie de la propriété qui nous a été imposé, mais du coup de rentrer dans des idées de propriété collective, mais qui implique de quand même de se remettre dans une posture de séparation, quand même, que le milieu est quand même un objet à gérer et la propriété d'humain. Ou est-ce que et du coup ils se sont ressaisis plutôt, ils se sont appuyés sur les droits de la nature, qui consistent à dire qu'on peut donner des droits, alors non pas seulement à des non-humains, mais aussi à des milieux de vie. Alors ça, c'est vraiment un truc que, moi, quand on a entendu parler ça, on s'est dit, waouh, là, il y a vraiment une révolution qui est en train de se faire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Tout à coup, c'est le fleuve qui devient une personne qui peut, par exemple, porter plainte devant la loi. Alors du coup, ça veut dire quoi? C'est pas le fleuve, c'est pas le canal d'eau, en fait, c'est pas le cours d'eau. Le fleuve, ça veut dire que c'est les humains et les non-humains qui cohabitent, en fait, au sein de ce milieu et qui, du coup, ça veut dire que donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait, suite à leur combat, ils se sont appuyés sur ça. Ils ont revendiqué, du coup, que le fleuve Wanganui, qui était, mis à mal par les activités agricoles, etc., un peu partout. Et donc, ils ont demandé à ce que le fleuve soit reconnu en tant que personne morale. Du coup, ça a été reconnu donc, par la couronne. Donc, il y a eu une alliance politique, en fait, entre les Maoris et la couronne. Donc, il a remis en question aussi l'espèce de souveraineté absolue de l'État moderne, hein, en disant on reconnaît en fait les Maoris, on leur reconnaît une souveraineté. Donc, il y a une alliance politique qui a abouti à la création d'institutions qui doivent s'envisager du point de vue du fleuve. Donc là, c'est aussi énorme. Ça veut dire que ce n'est plus les sociétés humaines qui s'organisent entre eux pour gérer des biens communs, mais des biens qui sont toujours des ressources en fait extérieures à l'humain. C'est on essaie de voir depuis le point de vue du fleuve, c'est-à-dire de tenir compte de toutes les relations d'interdépendance à justement différentes échelles temporelles. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types d'institutions qui sont garantes de différentes temporalités. Et donc ça a été quelque chose d'assez énorme, donc ça a eu une répercussion mondiale importante, mais ce qui est intéressant, c'est que ça commence à arriver aussi en Europe, c'est-à-dire dans des contextes où on se dit, mais quand moi je parlais à ma mère de la ZAD, parlait de devenir triton et tout, elle me dit, mais moi j'ai pas envie de devenir triton. Elle me dit, c'est quoi ça, devenir triton? Et en fait, là, tout à coup, on voit bien que cette question-là de repenser notre lien et nos liens d'attachement aux autres formes de vie avec lesquelles on cohabite est en train de se transformer, et ça s'accélère plus nos milieux sont détruits. Par exemple, là, sur la Loire, quand elle est à sec, et tout à coup, on se dit « Ah ouais, nous, on boit cette eau-là, quoi. S'il n'y a plus d'eau, comment on va faire pour boire demain ?» Enfin, là, on sent bien que là, il y a quelque chose de vital qui est en jeu. Et du coup, quand on commence à dire toutes les espèces aussi qui disparaissent, il y a quelque chose qui commence aussi à blesser, en fait, sur moi qui pêchais, je ne peux plus pêcher parce que tout simplement, il n'y a plus les poissons que je pêchais. Donc, il y a aussi tout un ensemble de liens d'attachement qui commencent à être atteints. Et là, on sent que petit à petit, il y a quelque chose comme une transformation politique qui est à l'œuvre. Et du coup, alors, tout ça pour revenir à quoi ? Alors, un exemple qu'on n'a pas pris dans le livre, parce qu'en fait, il se déroulait de manière contemporaine à l'écriture de notre livre, sans qu'on le sache, en fait. Et ce n'est qu'après que donc j'ai été amenée à rencontrer des personnes qui ont lutté sur le Mar Menor. Le Mar Menor, c'est une lagune dans le sud de l'Espagne, en Murcie. Et donc ça fait 30 ans qu'ils font des politiques de protection de la nature, des réglementations à plus savoir qu'en faire. Ils ont fait des parcs naturels, des trucs de protection, vraiment tout ce qui est possible et imaginable. Mais ça n'a absolument pas mis un frein à la logique d'industrialisation, la bétonisation des berges, enfin la destruction en fait de tout la lagune, la pollution énorme. Et la pollution était telle, notamment liée au modèle agricole en fait, et tous les intrants, les pesticides qui du coup arrivaient dans la lagune, qui fait que ça a développé plein d'algues et qu'il n'y avait plus d'oxygène dans l'eau pour les poissons. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était juste avant le Covid. Un jour, il y a les habitants donc de Mar Menor se sont réveillés, sont sortis de chez eux et ils ont vu des milliers de poissons morts sur les berges de l'eau. Et non seulement les poissons étaient morts, mais en plus, ils sortaient de l'eau. En fait, ils se suicidaient collectivement, les poissons. Parce que vu qu'ils ne pouvaient plus respirer, ils essayaient d'aller chercher dans l'air de quoi respirer. Et en fait, ça a créé un espèce de traumatisme collectif. Les gens, ils étaient en larmes, ils étaient en fait profondément blessés. Et là, il y a eu une espèce de un mouvement, ça a déclenché un mouvement populaire, un des plus importants mouvements populaires en Espagne. On n'en a même pas entendu parler, c'est incroyable. Alors que c'est vraiment un mouvement populaire énorme. Et où l'idée, ça, qui a commencé à émerger, c'est il faut qu'on reconnaisse le Mar Menor, il faut qu'on protège ce lieu. Qu'est-ce que c'est que toutes ces politiques de protection qui ont rien fait pendant 30 ans? Et donc, il y a eu vraiment un mouvement populaire, mais incroyable, qui a duré pendant 2 ans, qui s'est organisé autour de l'idée « il faut revendiquer que le Mar Menor puisse en fait être reconnu comme une personne et puisse se créer ses propres institutions ». Et donc ça a été, ils ont fait tout un processus aussi juridique pour faire reconnaître, donc pour demander une loi en fait. Et en fait, pour que la population puisse, les habitants puissent demander une loi, il faut au minimum 500 000 signatures en un an. 500 000 signatures, c'est énorme. Mais ils ont réussi en un an, alors qu'il y a eu le Covid, à avoir 700 000 signatures. Donc ça est passé au Sénat. Donc là, ça y est, c'est passé, en fait. C'est fait tout récemment. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir le processus populaire que ça a soulevé. Ça a vraiment... C'est-à-dire que là, l'idée « nous sommes le Mar Menor », c'est devenu une réalité. Alors maintenant, ça va être intéressant de voir, parce que c'était un truc complètement inattendu dans le paysage espagnol, parce que la Murcie est plutôt perçue comme réactionnaire. Qu'il y a une espèce de processus comme ça, populaire, quasiment révolutionnaire, qui soit là-bas, c'était incroyable. Et donc là, c'est intéressant de voir comment, à un moment, le droit a servi de levier, mais pour quelque chose qui est devenu un processus de réappropriation populaire. Et moi, c'est ça qui m'importe, et c'est là où je te rejoins vraiment sur la question de comment on fait aujourd'hui pour se ressaisir politiquement de ces questions-là et qu'on ne les laisse pas dans les mains de technocrates ou d'experts qui décideraient à notre place avec des programmes de gestion ou de gestion cybernétique de nos milieux, mais que ça soit des questions qu'en fait, sur lesquelles on soit mobilisé en fait en tant qu'habitant, parce qu'on est directement concerné, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, et qu'il n'y a pas assez d'espace, les espaces politiques sont trop déconnectés de ces questions-là. Et aussi en France, enfin c'est des choses qu'on a pu voir, mais où du coup la reconnaissance n'est pas encore advenue. Mais en Corse, avec le fleuve Tavignanou contre un projet de déchetterie, la ZAD et l'aéroport, en fait, c'était la même chose. Enfin, il y a aussi ces espèces de soulèvements populaires contre des projets inutiles ou contre une dégradation extrême des milieux. Et ça, du coup, ça amène à justement des points de bascule. Donc moi, c'est des sujets aussi sur lesquels je travaille beaucoup. Et donc là, c'est marrant parce qu'on dérive gentiment vers faire alliance avec les eaux. Mais la terre et l'eau sont liées grâce à la terre avec un grand T, n'est-ce pas, mon cher Philippe? C'était pour le petit jeu de mots. Mais notamment, cette question des droits de la nature, moi, je la trouve aussi très intéressante dans le sens où, donc, merci beaucoup d'avoir ouvert cette question juridique, parce que c'est vrai que nous, à la fois, on est enfermés dans ce droit occidental. Et en même temps, c'est peut-être un de nos meilleurs leviers, puisque l'ensemble de notre système fonctionne sur ce droit occidental. Donc si on arrive à le changer, potentiellement tout change. Et pour le coup, ça nous paraît improbable, on ne sait pas très bien pourquoi, mais ça nous paraît improbable dans notre culture qu'un fleuve ou une forêt ou une zone humide puisse être une personne. Mais ça ne nous surprend absolument pas qu'une entreprise le soit. Une entreprise, c'est une personne morale, et ça n'existe pas pour autant, mais on considère qu'une, enfin voilà, on a tous grandi dans un monde dans lequel les entreprises sont des personnes, et ça va de soi, et quand on nous dit après qu'il faudrait qu'une forêt, un fleuve, un littoral, que sais-je, devienne une personne, là, ça pose des tas de problèmes, de réticences, on ne sait plus comment faire. Mais pour le coup, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à la charnière de ça, où là aussi, d'une certaine manière, ces reconnaissances, enfin, et puis du coup, elles ont eu lieu aussi sur d'autres continents et où on a un peu plus de recul. En fait, elles nous permettent, enfin, elles nous obligent, dans le sens, elles nous obligent à agir autrement. À partir du moment où on reconnaît que, enfin, c'est comme avec son voisin ou sa voisine. Si on considère que son voisin ou sa voisine n'est pas un être humain, est une chose, un animal, un objet, un esclave, on le traite pas comme si on considère que c'est notre égal, quoi, et que du coup on se co-appartient ou qu'en tout cas on cohabite. Et donc aussi, je trouve que dans ces imaginaires-là, il y a plein de choses qui nous nourrissent. Donc c'est ça qui a amené au projet de Parlement de Loire, donc cette fiction juridique, l'idée que peut-être la Loire pourrait, s'exprimer par elle-même. Moi, je participe par ailleurs à l'Assemblée populaire du Rhône, qui est une démarche qui est un peu analogue, donc qui est à cheval entre la Suisse et la France. Donc c'est une démarche qui vient vraiment de la société civile, qui vient d'une association suisse qui s'appelle IDEO. Et c'est comme la Convention citoyenne pour le climat, mais sur le bassin versant du Rhône. Donc le Rhône et tous ses affluents, et un tiers du bassin versant est en Suisse et deux tiers sont en France. Et alors voilà, c'est pas encore de la reconnaissance à proprement parler par le droit, mais il y a 30 personnes qui ont été tirées au sort sur tout le bassin versant de la façon la plus représentative possible. Et qui, trois jours, tous les trois mois, depuis maintenant quasiment un an et demi, se retrouvent et essayent de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire que de reconnaître la personnalité juridique du bassin versant du Rhône. Quels sont les dispositifs qui sont à notre disposition, lesquels il faudrait inventer, sur quel réseau on peut s'appuyer pour porter ces idées-là. Et donc voilà, ça, c'est une boîte de Pandore, quoi. Ça ouvre tout un ensemble de questionnements qui sont vraiment hyper intéressants. Et en même temps, c'est un peu comme sur la question foncière, on voit très vite que c'est très limité et que tant que cette reconnaissance juridique elle n'est pas reconnue par le système, on reste enfermé, pour le cas du Rhône par exemple, avec 21 barrages gérés par la Compagnie nationale du Rhône qui font de l'hydroélectricité, qui amènent le débit d'étiage aux centrales nucléaires, et il y a 14 réacteurs sur le bassin versant du Rhône, et c'est de la monoculture à intrants chimiques, et donc beaucoup d'irrigation massive, et l'irrigation pour les agriculteurs, elle est permise tout au long de l'année, et surtout en été, en fait, là où ils ont le plus besoin d'eau, grâce aux barrages. Donc, et là, on rentre vraiment dans un truc, on dit, si jamais on reconnaissait la personnalité juridique du Rhône et de son bassin versant, il se mettait à attaquer en justice, il faudrait démanteler 21 barrages, et du coup, ce serait plus possible d'habiter à Lyon. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? C'est-à-dire que là, on se retrouve vraiment aussi coincé dans notre propre modèle à partir du moment où on reconnaît qu'un milieu de vie est une personne. Et donc là, je prends l'exemple du Rhône, mais il y aurait des tas d'autres exemples à prendre et qui fonctionneraient. Et on pourrait même presque prendre l'exemple de l'Orne pour ici, quoi. Ouais, je pense que je suis pas d'accord. avec ce qui a été dit. Non pas que je ne suis pas d'accord intellectuellement, c'est-à-dire que, par exemple, les droits de la nature, etc., je me suis aussi un peu intéressé, je trouve ça hyper stimulant, etc. J'ai juste que pour que ça ait une sorte de performativité politique, que ça change les choses, enfin, pour le dire simplement, il faudrait, comme tu l'as dit, qu'il y ait quelque chose qui est en train de se passer. Dans le regard qu'ont les gens, en gros, mais c'est un gros mot, ontologique. C'est-à-dire qu'on change notre rapport au monde. On se rend compte que ça ne va plus, que c'est. Et du coup, par ce changement de notre rapport au monde, intuité ou explicité, on va se dire, mais du coup, il faut qu'on fasse alliance avec le vivant, avec la terre, avec les fleuves, etc., et qu'on leur donne cette personnalité, enfin, qu'on renverse les perspectives, etc. Or, je suis désolé, tu dis à un moment, toi, tu sens que ça frémit. Moi, je ne sens pas du tout que ça frémit. Je sens que ça frémit sur la ZAD. Au sein de reprises de terre, au sein des collectifs naturalistes en lutte, au sein de quelques milieux ex-marxo, maintenant verts, qui commencent à se dire « Oula, ouais, en fait, oui, mais c'est personne !» Et en plus, je pense qu'on peut aller hyper, hyper, hyper loin dans la dégradation des conditions d'existence. Enfin, 70% des populations d'espèces d'oiseaux ont disparu en France. Enfin, 7 oiseaux sur 10, il n'y a plus un merle en France. Et ça ne vous fait pas vous lever, hein. Enfin, je veux dire, voilà, moi non plus, ça ne me fait pas me lever le matin et je vais aller combattre pour les... C'est terrible à dire, mais je pense qu'il y a l'effet aussi de syndrome de l'effet pare-brise. Hein. C'est qu'en fait, on voit ce qu'on voit, on ne voit pas ce qu'on ne voit plus. C'est-à-dire que, vous savez, l'effet pare-brise, c'est avant, on allait dans la campagne, on roulait dans les champs, en voiture, et il y avait toutes les abeilles qui s'explosaient sur le pare-brise. Et finalement, c'est leur mort qui témoignait de leur existence, c'est terrible. Mais maintenant, on se rend compte qu'elles ont disparu, parce qu'en fait, quand on roule, il n'y a plus une seule abeille qui s'écrase sur le pare-brise. Donc ça, c'est l'effet pare-brise. Mais donc c'est vachement dur, en fait, pour ça, pour dire que c'est vachement dur de se rendre compte de ce qui disparaît, et encore plus dans une humanité qui est de plus en plus urbanisée, etc., etc., où on est de moins en moins en contact avec les autres forces de vie, la nature. Donc voilà mon doute, moi, sur le « il se passe quelque chose ». Du coup, ensuite, deux cas de scénario, enfin... Une fois qu'on a dit ça, soit effectivement, à un moment, on prend le pouvoir, disons-le comme ça. Moi, je serais, mais ça me paraîtrait complètement cohérent dans un projet biorégionaliste, voire communaliste, fédéraliste, d'inscrire, et sous la forme notamment démocratique, du tirage au sort, etc., les droits de la nature dans nos institutions. C'est-à-dire de vraiment formaliser le fait que la forêt, le fleuve, etc., dont dépendent les vivants, dont nous, etc., fassent objet d'une protection qui soit institutionnalisée, etc. Entièrement d'accord. Mais déjà, il faut avoir gagné pour ça, puisque, comme tu dis, quand on attend l'État, il ne se passe rien, ou ça n'a pas d'effet. On l'a vu avec la Convention climat, etc. Soit on essaye de, dès maintenant, s'en servir comme un des outils ou des rouages de la lutte, pour prendre le pouvoir. Et dans ce cas, effectivement, moi, je pense que là, c'est plutôt sous la forme d'alliance, enfin, d'un des composants qui peut nous ramener des gens au sein d'autres luttes. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on va être d'accord à la fin, j'imagine, mais sur notamment les méga-bassines, etc., c'est des exemples extrêmement intéressants, puisque, en fait, on arrive à greffer. Donc, les méga-bassines sont donc ces retenues d'eau qui retiennent l'eau, pas du tout de la pluie, hein, mais celle qu'on va pomper dans les nappes phréatiques, qu'on met en surface, qu'on raccorde ensuite à des grands champs, des grandes exploitations agricoles, qui pourront, donc on pompe cette eau pendant l'hiver, ou l'automne quand ça se remplit, pas de bol, sécheresse hivernale, et ensuite on la déverse pendant les périodes de sécheresse estivale. Et donc c'est censé être une adaptation au changement climatique. En fait, ça ne marche pas du tout, ça déstructure les cycles hydriques, enfin peu importe. Donc là, il y a les luttes qui se mobilisent là-dessus, notamment à Sainte-Soline, donc il y a eu un gros événement fin octobre dernier. Il y dans le Marais Poitevin. Enfin, tu en parleras, ouais, okay. Fin mars. Dans le Marais Poitevin, je disais. Dans le Marais Poitevin. Et donc, du coup, ce qui est intéressant quand on y va ou quand on voit ce qui est en train de se passer, c'est que ça agrège à la fois, je passe les Black Blocs, etc., qui, eux, sont contents de sortir des villes, je pense. Heureusement qu'ils sont là, parce que quand on a 1600 gendarmes casqués, c'est quand même... voilà. Mais ça agrège du paysan, ça agrège ELLV, ça agrège des militants de gauche un peu écolo, voire très écolo. Ça agrège des populations extrêmement différentes sur un même territoire, sur une même lutte qui est territorialisée, etc. Et là, je pense, c'est comme tu dis pour la ZAD. En fait, la ZAD, OK, il y a un nouveau rapport, il y a le Triton crété, etc. Mais en fait, sur la ZAD, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout dans la fibre vivant, naturaliste, etc. Mais ils se retrouvent côte à côte et tout ça fait corps. Et après, bon, ça passe peut-être les barrières initiales, etc., de gens qui étaient peut-être dubitatifs sur ce genre de discours, etc. Mais donc voilà, je pense que vraiment, moi, je le vois plutôt comme un des éléments qui peut venir grossir des luttes et peut-être faire de l'entrisme pour demain, quand on aura peut-être pris des territoires ou gagné en crédibilité politique. Mais là, comme ça, tout seul, moi, j'ai du mal à voir son, son impact, parce que j'ai vraiment encore une fois l'impression que notre rapport au monde peut encore se dégrader voilà, très loin, et qu'on ne change, pas d'ontologie comme de chemise. Les rapports ontologiques sont quand même très profonds, et d'ailleurs on parle toujours de la nature, et l'homme et la nature, mais il y a les machines. Enfin, je trouve que c'est un peu pauvre aussi des fois d'opposer juste ce truc très simple de ben, en fait on est anthropocentré, il y a la nature, du coup on l'exploite. Mais en fait on vit dans un monde de machines, on a des rapports sensibles qui sont appauvris par ça aussi, donc depuis longtemps, depuis un siècle. Donc voilà, croire qu'on va arriver au point limite où c'est un peu comme croire que les contradictions du capitalisme vont amener sa chute, hein. On a cru ça pendant un siècle, bah, il est toujours là. Bon, c'est un peu le doute que j'ai sur le propos qui était tenu. Je réponds du coup. je suis pas d'accord. Alors ça, c'est vraiment un vrai truc. Débat, c'est fou, hein, pour une fois. Sur parce qu'en fait, à chaque fois, un peu de dissensus dans le chantier commun, quoi. Merci, franchement. Non, mais il y a parce qu'à chaque fois, on pose ça, c'est des questions qu'on a, enfin, dans les différents terrestres, dans reprise de terre, etc. À chaque fois, on dit il y aurait un plan politique, il y aurait un plan ontologique, et ça, ce serait une espèce de truc fondamental qui serait intouchable, et que on se dit bon bah c'est quoi, il y a un truc civilisationnel, on passe d'une civilisation à une autre comme ça. Ben non, en fait. Et là, justement, ce qui moi m'a vraiment frappé dans cet exemple du Marménor, c'est que ça s'est pas fait dans un contexte animiste, mais pourtant, ce qu'ils ont vécu et ce qu'aujourd'hui ils vivent, c'est bien une relation, que nous on appelle animique, à leur milieu. Et ça peut aller très vite. Et même là, quand on voit en 10 ans, là on commence, ça y est, à déjà sentir, mais je veux dire physiquement, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la température, l'augmentation de la température, la sécheresse. C'est-à-dire que maintenant, ça commence à nous atteindre ici aussi. Là où il y a très peu de temps encore, on se disait mais ça c'est loin, c'est pour les pauvres, on s'en fout quoi, en gros. Mais maintenant que ça atteint ici, ça y est, ça commence à nous toucher. Et je pense qu'en fait le changement il se fait très rapidement, et là sur un sens profond. C'est-à-dire que c'est bien la question même du sens de qu'est-ce qu'on fout sur Terre en fait, qui est en train de se poser. Et donc à un moment quand on atteint la question du sens, on peut dire, mais non, mais moi, qu'est-ce que ça veut dire de venir, de m'identifier à la Loire ? Mais, sauf qu'en fait, à un moment, quand la blessure, tu la vis, comme eux, ils l'ont vécu, quand ils ont eu ces milliers de poissons-là sous leurs yeux, ils sont tout à coup, en fait, le truc, là, la barrière, elle est tombée, quoi. La barrière ontologique, en fait, elle est tombée, mais quasiment tout de suite, mais oui, mais nous sommes le Marménor. C'est-à-dire que là, c'est tout ça qui est en train de mourir, en fait. Et nous mourons avec. Et je pense que là, on est en train de vivre quand même quelque chose de cet ordre-là sur un plan collectif. Alors, et pour moi, ça fait déjà quelque temps que le terrain est préparé. Je veux dire, quand on regarde, tu parlais tout à l'heure de l'exemple de l'esclavage. Combien de siècles il a fallu pour qu'on reconnaisse ce qui a été la déclaration des droits de l'homme ? C'est-à-dire que les hommes sont libres et égaux. Enfin, ça, l'égalité humaine, c'était pas du tout un truc qui était évident rien qu'au XVIIe siècle, quoi. Il a fallu qu'il y ait des gens qui se battent pour dire, mais si, nous sommes tous égaux. Donc c'est aussi des batailles à la fois politiques, mais aussi des batailles sur le plan des représentations qui permettent des basculements politiques majeurs. Et c'est là où je pense qu'il faut aussi se voir dans le temps long. Et moi, je trouve que là, on vit une période de précipitation où on sent qu'on est acculé et que du coup les basculements se font très rapidement. Je donne juste un exemple, mais c'est hyper anecdotique, mais je trouve que ça dit quand même quelque chose. Il y a 15-16 ans, il y a eu la première édition, la première traduction en français de Arnenès, donc Écologie profonde, communauté, écologie et style de vie. Et en fait, la maison d'édition Dehors, à laquelle je participais à l'époque, on a fait une demande au CNL pour la traduction du livre. Et ce qui était la réponse. Le CNL, c'est le Centre national du livre. Voilà. La réponse, c'était en gros, on ne va pas traduire des Khmers verts, quoi. Vous voyez ? Donc, c'était il y a 15 ans. C'est-à-dire que Arnenès était considéré comme un Khmer vert. Je veux dire, aujourd'hui, Arnenès, ça fait partie d'une certaine culture écologique. Je veux dire, on estimerait même presque qu'il n'est pas assez radical. Mais oui, non, mais et je me dis, waouh, déjà qu'en 15 ans, comment énormément de choses ont basculé, même au niveau éditorial. Il y a eu, alors qu'il y a 15 ans, il n'y avait presque pas grand-chose sur le plan éditorial, sur toute cette culture-là écologique. Il y a eu un espèce de truc qui est monté. Donc il y a quand même une transformation en profondeur, parce que je pense qu'aussi on se vit en profondeur des transformations majeures qui sont très récentes. Donc ça, c'est sur un point. Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher ça. Et je pense que ça fait partie du politique de travailler l'imaginaire, en fait, de travailler les sensibilités, et qu'il ne faut pas le dissocier, en fait, du combat politique. Après, sur la question de Sainte-Soline, des bassines, là, justement, ce qui est intéressant, à Tours, par exemple, la lutte pour les bassines a initié a fait émerger en fait une interorga, donc plein de structures qui sont investies sur la question de l'eau, et justement qui abordent la question de l'eau sur des formes très différentes. Soit c'est sur la question de la gestion publique de l'eau, ou sur par exemple une association de mariniers, ou sur la question justement des retenues, de l'agriculture. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, la convergence en fait de ces différents acteurs autour de l'eau, pour moi, ça peut devenir justement le fait qu'on parte justement de la question de l'eau et que ça oblige à reprendre, à revoir complètement autrement la manière dont les milieux, en fait, les territoires. C'est intéressant, puisque là, moi, je pense que ça peut être un levier pour faire émerger justement et travailler une culture commune qui permette, qui aille dans le sens de ce basculement politique. Parce que là, on dit comment on fait pour faire le lien entre, en effet, l'eau qui est qui vient du glacier jusque en gros au robinet, là il va falloir prendre en compte tout ça, quoi, et tous les êtres vivants aussi qui sont sur la Loire, etc. Et du coup, ça oblige à revoir complètement l'échelle et la manière de faire politique. Donc là, je trouve que c'est hyper intéressant ce qui se passe là, parce que du coup, ça, en remettant l'eau au centre des questions, ça fait complètement bouger tous les coordonnées en fait politiques. Est-ce que vous auriez des questions ou des remarques par hasard? Bonjour. Moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de vivant, parce que en fait, tout ça se fait pas mal. Moi, de vivant, j'aime pas ça en fait, parce que il y a pas mal de choses dans le cycle justement de tout ce qui est actif. Ou par exemple, vous allez voir des champignons qui vont attaquer le bois mort dans les forêts. Champignons qui seront mangés par des larves, qui pourront être transformés en autre chose, en nourriture, etc. Donc, pour moi, le vivant, c'est aussi un peu une majuscule. C'est pour ça que j'aime pas cette vision des choses. Merci. Oui, alors moi, pour remettre un petit peu de discussion, moi, j'ai trouvé que c'était assez fort, malgré tout, cette arrivée du concept de vivant, pour justement modifier notre regard sur la nature. Quelque chose, quoi. Et bon, évidemment, il faut bouger encore, mais on bouge, on avance. Et il me semble que Morisot, il est parti aussi de batailles, de luttes politiques qui vivaient de façon très terrestre aussi. Non, il n'y avait pas une bataille sur les forêts, non? en tout cas, moi, ça m'a semblé intéressant comme mouvement pour la pensée, puisque malgré tout, c'est aussi performatif, la pensée, les mots et tout ça. Donc, voilà. Après, oui. Re-questionner encore et avancer encore, ouais, c'est important. Moi, je peux dire un mot là-dessus. Sur Morisot, moi, il me semble que son parcours est plutôt marqué par ses travaux philosophiques. Et ensuite, sur la fin, il a essayé de se rattacher. Sur la fin, il n'est pas mort. sur les dernières années, il a essayé de se rattacher aux luttes, notamment forestières, c'est vrai. Il y a eu ce livre, là, Raviver les braises du vivant, où justement, il détaillait plus les jonctions qu'il pouvait y avoir avec les luttes concrètes. Parce que justement, il cherchait en fait un débouché opérationnel à sa propre idée. Enfin, à sa propre idée, c'est pas lui qui a inventé le vivant, mais à son approche philosophique. Et d'ailleurs, historiquement, l'école philosophique à laquelle il appartient, l'éthique environnementale, était quand même souvent liée à des luttes, notamment forestières, etc. Enfin, Aldo Léopold, je parle sous ton. Vas-y. Ça... ok. Moi, tout ce que je dis, c'est encore une fois, moi, le livre d'ailleurs de Morisot, ça a été, je pense, le meilleur livre de 2020, du coup. C'était vraiment hyper stimulant, j'ai trouvé fascinant, et ça m'a. Il y a un numéro de Socialterre avec lui, donc il y a vraiment aucun. Encore une fois, c'est pas du tout un point de vue intellectuel ou de ce que ça apporte. La question, c'est enfin, je pense qu'on ressent tous l'urgence de faire quelque chose. En ce sens, d'ailleurs, que ça nous vienne, c'est bien quelque chose qui s'est passé. Hein. Je ne dis pas que depuis une ou deux décennies, il n'y a pas une culture écologique ou un éthos écologique qui s'est développé, etc. etc. Ça, ce n'est pas du tout remis en question. Mais la question maintenant, c'est comment on cherche des débouchés rapides à cette transformation-là, parce qu'il faut les faire advenir, et notamment parce qu'on est pressé au cul par le réchauffement climatique, la déstructuration des écosystèmes, la perte de biodiversité, etc. S'il n'y avait pas tout ça, à la limite, on pourrait juste avoir le luxe de n'avoir que les problèmes d'inégalité sociale, de quelle vie on veut vivre, etc. Mais là, on a cette urgence-là. Donc à partir du moment où il faut que ça aille vite, la question c'est comment on trouve des débouchés rapides. Et donc, est-ce qu'on peut attendre, dans les choses qui émergent, comme par exemple la question du vivant, un débouché politique ? Et moi, quand on parle d'ontologie ou de rapport au monde ou de droit à la nature, enfin, tout ça est assez lié par un arc, hein, donc je mets ça dans un sac, mais ce n'est pas la même chose. Hein. OK, mais alors le temps que ça fasse son chemin, que ce soit à peu près digéré déjà par l'avant-garde des gens qui s'intéressent, ce qui est en gros nous. C'est pas élitiste, hein, c'est juste dire des gens qui s'intéressent, quoi. Qu'ensuite ça infuse plus profondément, que ça prenne une portée pas juste de ah oui un malaise ou il faut autre chose, un autre rapport au monde, mais que ça soit une autre ontologie, quoi. Enfin, quelque chose qui nous habite profondément et que ça trouve une traduction institutionnelle. Enfin, pour moi, on parle en décennies en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Donc la question, moi, c'est pas du tout de l'évacuer. C'est de ne pas se reposer sur ce type de discours, enfin de ne pas croire que ce type d'intervention va vraiment faire basculer les choses, ou va nous. Enfin, c'est quoi ça va pas faire. On ne va pas faire l'économie de penser de façon beaucoup plus basique la lutte des classes, les rapports de force, la prise du pouvoir, la bonne échelle, le type d'organisation politique, communaliste ou autre. Enfin, en gros, on ne peut pas faire l'économie de toutes ces questions-là parce qu'on pense que profondément se joue quelque chose au niveau du rapport au monde et de l'ontologie, quoi. C'est juste ça, et c'est des fois une facilité que peuvent avoir certaines personnes. Des gens méchants diraient que pas mal de gens s'intéressent aux vivants, etc., parce que c'est en gros du tourisme ontologique ou du développement personnel pour riches, je crois qu'on a dit aussi. C'est un peu méchant, mais c'est vrai que peut-être ça concerne certaines personnes. Mais l'accusation derrière, c'est que ça ne fait peur à personne, parce qu'en fait, ça n'a pas de force de frappe politique. Moi, je n'irai pas jusque-là du tout, mais il ne faut surtout pas que ça fasse l'économie d'autres réflexions. C'est ça, en fait, mon commentaire, en fait, tout simplement. Et en plus, je pense que ça peut avoir des vrais apports dans les luttes, etc. Donc, ce n'est pas du tout pour le discréditer, contrairement à d'autres que je ne nommerai pas, comme Frédéric Lordon. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. Et en même temps, là où je trouve que les expériences comme Reprise de Terre et d'autres sont quand même vraiment intéressantes, c'est que, en fait, dans la question des alliances, il y a aussi la question de la complémentarité des luttes, de dire qu'en fait, c'est aussi peut-être différents terrains qui nous permettent d'avancer ensemble, et puis des pions, quoi, voilà, sur un grand échiquier, des pions ou un jeu de go, quoi, qui avancent les uns après les autres. Et de ce point de vue-là, par exemple, enfin, je sais pas si on regarde des événements politiques de la dernière décennie, par exemple, l'essor des listes citoyennes. Aux élections municipales, les avant-dernières, il y en a eu 30 qui ont gagné, il y en a eu 300 aux dernières. Normalement, si on suit la logique mathématique, il y en a 3000 aux prochaines, 30 000 à celles d'après, on les aura toutes. Non, je rigole. Mais donc ça, par exemple, ce mouvement-là, les listes citoyennes, du coup, elles sont aussi vachement influencées, imbibées. Enfin, au contact, tu vois, je trouve que de toutes ces nouvelles pensées, en fait, elles peuvent avoir des articulations concrètes. Bon, alors après, c'est du coup, gagner une mairie et essayer de la gérer en collectif, c'est hyper compliqué. Mais du coup, on essaye, typiquement, je sais pas, dans un plan local d'urbanisme, de faire autrement et d'essayer. Qu'est-ce que ça voudrait dire un plan local d'urbanisme éco-centré? Sacré programme pour une liste citoyenne. Il y en a qui ont essayé, hein, c'était le cas à Saillant ou d'autres, tu vois, c'est hyper compliqué, mais au moins t'essayes, tu vois. Et pareil sur les Gilets jaunes, par exemple, je trouve. Les Gilets jaunes, ça, voilà, donc il y a eu cette insurrection, et en fait, très vite, là aussi, il y a des, comme ce que tu disais sur les bassines, quoi, il y a des tas de liens qui se sont faits, et du coup, il y a des discussions qui sont advenues, qui seraient peut-être pas advenues dans une insurrection 15 ans ou 20 ans auparavant. Donc là aussi, je trouve que, tu vois, pour essayer de refaire des alliances au milieu de tout ça, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi des tas de porosité, et qu'après, dans les luttes concrètes sur le terrain, moi, je trouve, il y a des manières de réembrayer avec ces idées. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que les idées pour les idées, on n'a peut-être plus le temps d'en avoir, mais des idées pour l'action, on en a quand même besoin, quoi. Pour aller dans ton sens aussi sur tout ce qui est, parce que tu parles de reprise de terre, mais il y a toute la partie dans hors-série qui s'appelle déprise, donc qui est la réflexion justement sur, on récupère des terres, est-ce que c'est pour les remettre en culture ou les mettre en libre évolution, ou est-ce que c'est une mauvaise manière de penser le clivage. Hyper intéressant de se dire on va pas juste reprendre des terres dans un truc un peu réactionnaire, retour à la terre et de juste refaire de l'agriculture à l'ancienne, point. Et de se dire en fait non, en fait il y a le rôle des, le rôle de, enfin on va pas revenir sur ces débats là, mais du coup de pas refaire les mêmes, un, les mêmes conneries, et deux, de donner un contenu un peu, un horizon, pas qui soit pas celui de retour en arrière quoi, qui soit celui d'autres, d'autres alliances, d'autres façons de concevoir la, la cohabitation sur un même espace, enfin voilà. Donc je, là-dessus je suis entièrement d'accord avec toi aussi hein. Et le réseau des alternatives forestières aussi est vachement intéressant sur ça, justement, de comment est-ce qu'on gère une forêt aujourd'hui par les temps qui courent. Et voilà, bah, on a besoin de bois, et puis le bois, bah, pour le coup, c'est quand même plus renouvelable que le béton. Mais en même temps, il y a l'effondrement des écosystèmes. Donc là aussi, il y a tout un, toute une foresterie à réinventer. Et pour le coup, typiquement, le réseau des alternatives forestières est intéressant sur ces sujets-là. Tu voulais dire un truc ? Ouais, c'est sur la question, tu parlais de stratégie politique. Et en fait, à chaque fois, moi, un truc qui me surprend, disons, pour les mouvements émancipateurs, c'est qu'on est toujours sur le court terme. C'est-à-dire qu'on voit là comment on fait vite, il faut réagir, vite, vite, vite. Et moi, je sais que... Enfin, je suis militante depuis très longtemps et c'est un moment où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. J'ai l'impression de courir toujours derrière le DAU, quoi. C'est-à-dire que c'est... enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est toujours dans l'urgence à réagir. Et c'est ça, moi, quand j'étais au mouvement des Sans-Terres, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des gens qui se structuraient dans le temps, qui avaient un réseau national avec des lieux et des écoles. Enfin, je me suis dit, waouh ! Mais c'est-à-dire que tout à coup, là, on est à autre chose, quoi. Là, on n'est plus simplement à réagir, à manif, ceci, cela. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on n'arrive pas à s'inscrire en étant long. Et pour moi, il faut vraiment articuler, en fait, les différentes temporalités. C'est ça, en fait, pour moi, avoir une vision politique. C'est comment tu penses à des échelles-là. Il faut protéger telle forêt. Il faut sauver tel truc. Donc, il faut, voilà, mettre... Et comment tout ça, tu l'inscris dans une temporalité longue qui fait qu'en fait, tu sais que tout ça, c'est des éléments qui fait que tu es en train de faire advenir quelque chose qui a un horizon politique émancipateur. Et s'il n'y a pas ça, pour moi, en fait, justement... Tout ça, c'est presque des coups d'épée dans l'eau, en fait. C'est pour ça que, à chaque fois, pour moi, on dit oui, mais quand on est que dans l'imaginaire, c'est abstrait, etc. Non, non, parce que c'est aussi comment on travaille. Enfin, pour moi, c'est surtout ça, c'est vraiment sur un plan, mais comment on travaille le temps long. Et donc, par exemple, concrètement, est-ce qu'il faut prendre le pouvoir ? Est-ce que c'est ça l'enjeu ? Moi, nous, ce qu'on défend dans le livre, c'est que, ben, en fait, les structures politiques existantes, et là, tout à l'heure, c'était intéressant, la table ronde, parce qu'on voyait bien, en fait, elles ne permettent pas de répondre aux problématiques auxquelles on est confronté. C'est-à-dire qu'elles sont, c'est à la fois des découpages administratifs, c'est toute tout un ensemble de schèmes, de normes, de dispositifs techniques, réglementaires, etc., qui sont, mais complètement déconnectés des problématiques vécues. Et en fait, du coup, enfin, nous, l'idée, c'est de dire, il faut au contraire qu'on fasse émerger de nouveaux processus institutionnels depuis les territoires de vie, depuis les milieux de vie, en articulation, en contradiction, en confrontation, en fonction des lieux, avec les institutions existantes. Mais on peut pas simplement se contenter de prendre les institutions existantes parce que ça ne peut pas marcher. C'est ça qui est intéressant sur le Wanganui, c'est qu'à un moment, ce truc des droits de la nature, ça a été un simple levier, mais pour faire émerger des nouveaux processus institutionnels qui se pensent à l'échelle du fleuve. Et là, ça change beaucoup de choses parce que tout à coup, on peut retrouver une prise, on peut reprendre en main les territoires de vie et justement en essayant de plus être sans cesse soumis à des réglementations, à des dispositifs qui en fait nous empêchent d'agir. Comme tout à l'heure, il était question de l'hôpital, est-ce qu'il faut construire l'hôpital du coup, et en même temps protéger le milieu. Mais on voit bien que là, c'est l'échelle en fait de la commune qui est complètement, c'est l'échelle à laquelle on pense et s'organise l'exercice du politique qui est absurde. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer d'échelle, changer à partir d'où on commence à penser le politique. Et c'est là où, pour moi, il y a quelque chose à construire sur le long terme, politiquement, et à articuler les différentes luttes et les différents mouvements de telle manière à ce qu'on construise sur le long terme. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, là, avec ce qui est en train d'émerger autour de l'eau, c'est que j'y vois la possibilité de commencer à repenser d'autres manières de faire politique sur le long terme. J'avais une petite question par rapport à un petit peu le débat que vous avez eu sur cet exemple espagnol, etc. Et dans nos sociétés occidentales, on est tellement déconnecté, j'ai le sentiment, des milieux de vie dans lesquels on arrive. Est-ce que cet exemple que vous avez pris là sur le lac espagnol, est-ce qu'en fait, le moment où on se rend compte que ça change et que l'électrochoc il arrive, il n'est pas déjà trop tard ? Parce qu'en fait, la catastrophe, elle est tellement énorme qu'on a plus le choix. On est reconnecté par l'énormité de la catastrophe. C'est-à-dire, il n'y a plus d'eau dans la Loire, tous les poissons sont morts. C'est quand même, on en arrive à des extrêmes assez importants avant que l'électrochoc se fasse. Et ça rejoint ce que vous disiez sur la question de la prise de conscience générale. Est-ce que les gens, ils y sont pas? Je trouve ça, je me posais cette question-là. Et du coup, s'il est trop tard, comment on crée l'électrochoc en fait, dans la société sans en arriver là? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on n'est pas capable de s'habituer à l'horreur en tant qu'être humain? Et on parle souvent de la résilience de l'esprit humain. Et quand on voit dans certaines parties du monde à quel point on s'adapte à l'horreur, est-ce qu'on ne peut pas s'adapter à ce genre d'horreur? Et en fait, ça ne crée pas d'électrochoc, parce que les gens vont aller plus loin. Une deuxième mare, une troisième mare, une montagne. C'est un peu les deux questions que je me posais par rapport à cet exemple-là qui peut-être... Je suis pas sûr que tu crois beaucoup non plus à l'électrochoc. Enfin, tu me diras. Moi, perso, je crois pas du tout à l'électrochoc. Pas plus que le grand mythe de la prise de conscience. Alors, tout le monde, apparemment, il faut prendre conscience. À un moment, on était con, puis le lendemain, en fait, on a tout compris. Ou on était de droite, puis on devient de gauche ou de droite. Je sais pas. Enfin, il y aurait une sorte de moment fondateur comme ça. Puis un avant, un après. Je pense que ça marche pas comme ça. Et je pense que pour les chocs, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qui s'est passé après en termes de mobilisation citoyenne, mais ce sera intéressant de voir. Monstrueux. Bon, peut-être qu'après, monstrueux. En fait, un choc, si tu veux... En fait, il y a plusieurs types de chocs. C'est-à-dire que tu as les chocs qui vont acter quelque chose qui était déjà là, en fait, et c'est le voilà, c'est la goutte d'eau, quoi, tu vois. Mais ce n'est pas, le pouvoir lui-même de l'événement qui a créé la situation derrière, quoi. C'est son imbrication dans quelque chose de plus large. Et je pense que c'est comme ça que tu peux voir les événements. Par contre, de croire que... encore une fois, la catastrophe vers laquelle on court, dans laquelle on est déjà, peut toute seule créer des basculements, je pense que c'est une erreur, mais monumentale. Et je veux dire, le Covid est là pour le montrer. Enfin, on a fait le premier confinement, les gens, enfin, je pense que tout le monde était pareil en disant, plus jamais on acceptera ça. 6 mois plus tard, deuxième confinement, tout le monde a accepté. Enfin, imaginez un mois avant le Covid qu'une France puisse être, le monde puisse être à l'arrêt 2 mois. C'est inimaginable. Et enfin voilà, donc je pense pas que du coup les Tchernobyl, enfin on parlait tout à l'heure de risque nucléaire et de sécurité, voilà Fukushima, enfin on peut en prendre 30 des exemples de trucs qui auraient dû, il y aurait dû avoir un avant et un après, il n'y en a pas eu, voilà. Pour le dire plus simplement. Donc voilà, donc moi je pense vraiment au contraire, et je pense que c'est ça qu'on n'est pas vraiment d'accord, c'est que en fait c'est le travail politique, c'est le travail de la cité, quoi, c'est celui du dialogue, celui de l'échange, celui de travailler les imaginaires, celui de travailler les représentations politiques, de travailler les institutions, qui fait qu'en fait à un moment, bah ouais, peut-être qu'il y a un choc ou une catastrophe qui se produit, mais celle-là elle compte parce que bah derrière il y a eu tout ce travail avant, quoi. Donc par contre, moi, l'attentisme catastrophiste à la collapso, en mode, de toute façon, le jour où on va se prendre le gros, enfin le jour J, on aura le gros truc qui nous tombe sur la gueule, ou quand on aura perdu 98% de population d'espèces d'oiseaux, alors là, peut-être qu'on va... non, je ne crois pas du tout qu'il y ait des seuils comme ça, symboliques, ou des événements qui puissent tout seuls, en fait, déterminer quoi que ce soit, quoi. Mais j'ai vraiment aucune légitimité pour dire ça. Hein. Je parle là, mais... Ouais, non, mais je suis complètement d'accord, là, pour le coup. Je pense qu'en effet, c'est là le travail politique, il est là pour moi. Parce qu'en effet, on voit bien, l'être humain, il peut accepter, mais les pires horreurs, quoi. C'est-à-dire, c'est ça qui est complètement fou, en fait. Le plus fou, c'est ça. C'est vraiment, on peut aller tellement loin dans la dégradation, et on le voit un peu partout, quoi. À quel point ça peut aller loin. Donc, si là, on ne travaille pas des choses... qu'on rend vital au niveau de la sensibilité, c'est-à-dire que tu es prêt à mourir parce que tu es contre l'esclavage ou que tu es contre des trucs, si on ne travaille pas ça, et là, c'est là où il y a un travail vraiment politique des imaginaires qui est pour moi fondamental, ça veut dire qu'on peut derrière réduire en esclavage. Voilà, à un moment, des millions d'êtres vivants, on peut accepter des conditions de vie absolument... enfin, dégradé au dernier degré. Donc là, il y a un vrai travail politique. Et c'est ça qui est complexe. En effet, c'est une des questions que je me posais. C'était, là, par exemple, je parle du Mar Menor, mais en fait, à un moment, tous ces poissons là, qui tout à coup, ça fait quelque chose comme événement, mais un événement qui vient réveiller quelque chose. Je pense que il y a un lien très fort des habitants de Murcie à leur territoire, qui n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, je vois sur la Loire, il n'y a pas une unité comme ça où les gens se disent a priori ligérien, quoi. On sent qu'il y a du travail avant que ça en arrive là. Mais la question, c'est un moment, comment on fait quand il n'y a pas aussi, c'est un espèce d'événement visible comme ça. Comment on fait quand c'est un peu invisible, quand c'est l'eau qui s'évapore? qui fait que bon, bah, à un moment, ça se manifeste, il n'y a plus d'eau. Bon. Mais c'est, on sent que ça se dégrade petit à petit dans le temps. Là, c'est là où il y a un vrai travail politique, je veux dire, qui est presque plus ingrat, hein, plus complexe à faire. Et là, on est obligé de s'allier avec le temps, quoi. Enfin, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle toujours d'urgence et tout, mais on est aussi obligé de penser à faire avec le temps. On ne peut pas faire autrement, en fait, que de se dire bah, peut-être qu'il faut s'inscrire autrement dans le temps. Et ça aussi, c'est une leçon des zapatistes. Hein. Le symbole, c'est la caracole, c'est-à-dire l'escargot. Et c'est aussi un symbole temporel. C'est-à-dire, bah oui, il faut s'inscrire dans d'autres temporalités, parce qu'on ne peut pas faire autrement là, que de ralentir, en fait. Ouais, puis juste un mot aussi, c'est que la catastrophe, elle n'est pas vécue pareil si c'est une abstraction, si c'est Fukushima sur ta télé, sur un écran, là, où tu es sidéré. Alors, la sidération, c'est le mot de notre époque. Hein. C'est terrible, etc. Mais dans deux jours, tu as oublié, enfin, tu es passé à autre chose, etc. Quand tu vis dans le territoire où ça se produit, où il y a un problème, etc., c'est charnel. C'est, quand tu dis sensible, c'est charnel. Et je parlais avec Pignocchi, Alessandro Pignocchi, donc dessinateur de BD. Connu de son état, qui disait, prenez cet exemple, il disait quand tu vis dans un territoire, si le mec de l'urba, là, il vient et il te dit, bon, en fait, ta forêt, là, ou ton marais, t'inquiète pas, on va le détruire, mais on va le mettre plus loin, parce qu'il y a un phénomène de compensation, hein, on va compenser, on va le remettre à 200 km, là, avec les mêmes espèces et tout, pas de souci. Mais en fait, c'est comme dire en fait, à quelqu'un, t'inquiète pas, on va prendre ton frère, on va le tuer, mais on va donner quelqu'un d'équivalent, quoi, genre une valeur équivalente. Ça, c'est impossible de dire ça à quelqu'un. Donc non, en fait, quand on est charnellement attaché à un lieu, la catastrophe, la destruction, etc., elle prend une dimension qui n'est pas du tout celle de l'abstraction, encore une fois. Je suis désolé, je vais être monomaniaque de l'abstraction, mais ouais, moi aussi, j'étais sidéré devant ma télé, devant Fukushima. Mais je ne suis pas japonais, je n'ai pas vécu ça, et je pense que les effets auraient été complètement différents sur moi si j'avais habité à le territoire. Donc voilà, du coup, la question de la réinscription des luttes et des corps et des gens, en fait, dans leur territoire, je dis ça en tant que déracé venu à la capitale, etc., et malheureux de l'être, hein, donc c'est aussi une réflexion qui m'anime. Mais c'est vrai, en vrai, c'est cette déprise-là et le retour à la subsistance, à la terre, etc. Alors après, il ne faut pas que ce soit trop romantisé, mais en tout cas, dans un territoire, de connaître son territoire, les affluents, le bassin versant, enfin, c'est con, mais... c'est con, non, je t'ai dit ça devant toi, mais ça paraît peut-être anodin, mais c'est hyper important, en fait, parce que le jour où il se passe quelque chose, bah, ça compte. Bah, c'est pas juste une image sur un écran, quoi. Voilà ma contribution. Ouais. Et après, on voit aussi quand même poindre depuis... Bon, en fait, c'est une tradition qui est assez longue, mais la lutte contre les projets inutiles. Bon, il y avait déjà le Larzac, Plogoff, etc. dans les années 60-70. Et puis, en fait, il y a eu des tas de luttes contre l'industrialisation au fin 19e, début 20e. Enfin, voilà, l'histoire de la lutte contre la dégradation des milieux de vie, elle est longue, quoi. Mais quand même, j'ai l'impression aussi que... Enfin, justement, et c'est sur ça qu'il faudrait peut-être venir s'appuyer. Mais en tout cas, en ce moment, on voit bien que... notre société française accepte de moins en moins bien les nouveaux grands projets de, je sais pas, rocade, déchetterie, site Seveso, aéroport. Ça devient de moins en moins possible de le faire, alors qu'en fait, dans les 30 Glorieuses, on en a fait partout et ça allait très bien. Et là aussi, je trouve que peut-être à cet endroit-là exactement, il y a des choses à venir activer, il y a des tas de complémentarités aussi à tisser, et enfin, je trouvais pas un petit moment, je reviens aux gilets jaunes, mais les gilets jaunes sur ça c'était vachement intéressant parce qu'en fait ils n'arrivaient plus, enfin le message c'était nous n'arrivons plus à subsister dans cette société autoroutière, quoi. On n'arrive pas à remplir notre réservoir d'essence et à travailler 35 heures, à payer notre loyer et à donner à manger nos enfants, on n'y arrive plus. Cette société-là ne nous permet pas de faire ça. Et donc là, tu parlais de subsistance, et c'était vraiment ce qu'on évoquait hier aussi avec Geneviève Pruvot et avec Mathias Rollo. Et je trouve que, voilà, enfin, aussi une des choses qu'on a à faire, donc toutes et tous autant qu'on est, mais c'est aussi lutter, en fait, accompagner ces luttes qui sont là, qui sont de plus en plus proches de nous, de plus en plus prégnantes, de plus en plus documentées, médiatisées, même si ça reste limité. On est d'accord, ça passe pas tant que ça sur BFM et CNews, mais quand même, voilà, aussi, non, mais ouais, mais un de nos rôles, et on en revient au truc, finalement, hein, c'est ce que tu parles. En fait, c'est la théorisation des soulèvements de la terre, hein, sur l'action, ouais, d'aller agréger des luttes, etc. Et il passe sur BFM. Oui, ouais, bien sûr, ouais. Et du coup aussi, et donc pareil, sans romantiser le truc, en essayant de le faire revenir à des choses très concrètes. Enfin, voilà, comment est-ce qu'au quotidien, à côté de chez soi, on arrive à le faire ? Mais c'est vraiment cette question des sentinelles, quoi. Comment est-ce qu'on est une sentinelle de l'endroit où on habite ? Enfin, je sais pas, c'était notre discussion il y a quelques mois, mais quand on vient couper les arbres sur la place de la République, ben non, en fait, genre, et là, on peut se soulever, on dit, ben, vous n'avez pas coupé les arbres sur la place de la République, pourquoi vous coupez les arbres ? Ouais. Bah voilà, au final, c'est passé. Mais je trouve que c'est typiquement un bon exemple où là, la ville aurait dû se soulever. Tu vas dire comment tu organises ça, je sais pas bien, mais c'est typiquement ce genre de truc concret de dire, bah, en fait, ou je sais pas, la tour du millénaire, bah non, vous n'allez pas faire une tour de 17 étages là, alors que c'est en zone inondable et qu'on sait que. Ouais. Oui, voilà, c'était ça, bien sûr, ouais, bien sûr, c'est toujours pareil. Ouais. Mmh, ouais. Oui. Quand tu parles de sentinelles, juste, je ne sais pas si tu en as peut-être parlé hier, mais il y a les naturalistes des terres qui sont lancés, là, qui sont issus aussi des reprises de savoir, je crois. Hein, donc c'est un peu reprise de terre, tout ça. Enfin, ça gravite. Mais en tout cas, voilà, c'est, si vous êtes naturaliste, vous avez des compétences, vous pouvez rejoindre. C'est une carte interactive sur Internet où chacun ayant des compétences de naturaliste peut s'inventorier, enfin, se référencer lui-même ou elle-même. Et en fait, après, les luttes locales peuvent, par exemple, chercher un naturaliste pour faire l'inventaire sur un territoire donné des espèces éventuellement protégées. Pourquoi ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure aussi dans l'atelier avant, hein, mais sur le site industriel, je crois, c'était ça. Mais en fait, la grande peur de ceux qui font des grands projets inutiles, c'est de découvrir qu'il y a une espèce protégée sur l'espace où ils veulent construire, parce que ça arrête tout, en gros. Le droit de l'environnement est quand même assez fort là-dessus, même s'il y a des exceptions, etc. Et donc, du coup, une des tactiques de lutte récente qui a été mise en place, ça a été d'essayer de vraiment repérer des espèces protégées, comme le triton crêté ou le pipi farlouze, voilà, pour empêcher la construction d'un projet ou la ralentir. Je sais plus, je crois que c'est protégé, mais je suis pas sûr. Mais normalement, ça empêche. Mais et il y a même des collectifs comme d'ailleurs les Lentillères à Dijon, toi tu veux bien connaître, qui essayent de ramener. Du coup, ils creusent des mares pour essayer d'inviter les batraciens à revenir dans la ville. Comme ça, en fait, après, ils pourront plus se faire expulser. Enfin voilà. Donc, en tout cas, voilà, c'est le naturaliste des terres, et c'est quand même une initiative intéressante. Et typiquement, c'est vraiment là pour le coup, sentinelle, c'est vraiment ça, quoi. Essayer de, voilà. Mais du coup, tu parlais de reprise de savoir, donc je rebondis parce que dans la continuité de reprise de terre, il y a un nouveau processus qui s'est engagé, qu'on a appelé reprise de savoir, où l'idée, c'est donc la question, c'est enfin de comment. Là, on est parti plutôt du décalage sur le plan des institutions universitaires, d'enseignement, des écoles, où là, elles sont complètement déterrestrées, hein, parce que le modèle qui préside, c'est le modèle moderne de républicain, en fait, de faire des citoyens, mais c'est-à-dire essentiellement des personnes qui sont hors sol. En fait, on enseigne à l'esprit, mais le corps est complètement désactivé, quasiment, enfin, neutralisé. Et du coup, l'idée, c'est de dire, bah, il faut aussi, là, ça fait aussi partie du travail politique, justement, de sensibilisation, pour changer en fait la manière dont on se vit, on se met en relation avec les territoires de vie. Bah, c'est aussi de la question de l'enseignement, de l'éducation et de la recherche. Comment elles se reconnectent en fait aux territoires de vie ? Comment on repense des écoles qui émergent depuis les territoires et qui soient en lien avec les territoires ? Et du coup, ça a pris quelle forme ? Ça a pris la forme d'un appel, en fait, qui a été lancé l'année dernière. On a lancé un appel pour inviter des collectifs sur différents lieux, partout en France, mais ça peut être ailleurs aussi, hein, pour en fait initier ce qu'on appelait des chantiers. En fait, c'est de mettre l'école en chantier sous différentes formes. En fait, chaque lieu décide de la problématique, du thème qu'il veut aborder. Donc, ça peut être sur une semaine, deux semaines, trois semaines. Et de créer un chantier qui puisse aussi accueillir des gens extérieurs pour justement essayer de repenser qu'est-ce que ça voudrait dire faire école depuis le milieu ou la situation. Donc l'année dernière, il y a eu une quinzaine de chantiers. Donc là, on relance l'appel, là, et je pense qu'il y en aura d'autres bien plus. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que chaque chantier était vraiment très différent. Donc il y a eu un chantier justement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'école des Tritons, où on a pas mal réfléchi sur les problématiques naturalistes. Donc il y avait des gens qui font partie du coup des naturalistes des terres qui étaient justement au chantier. Mais j'étais à un autre chantier aussi sur le moulin. Il y avait un chantier sur la question des problématiques des moulins, les questions énergétiques, etc. Il y avait une quinzaine de chantiers. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que chaque chantier fait émerger ses propres problématiques. Et l'idée, c'est voilà, comment on repense des pratiques, de, nous on appelle ça d'autodéformation, pour justement reprendre des savoirs et aussi croiser des savoirs, donc disons sciences dures, mais aussi savoirs vernaculaires, différents types de savoirs et différentes approches et méthodes. Donc voilà, donc ça c'est un processus en cours. Donc là j'ai Camille qui valide à mes côtés. En fait, on est en train de, on a un projet qui se termine là cette semaine, enfin la semaine prochaine, donc à Vassy, au collège de Vassy. Donc là nous on est dans le collège et on mène un projet de faire entrer le bocage dans le collège, c'est-à-dire le paysage du bocage. L'amener par justement la transmission de savoir, par l'exploration, par la compréhension de l'écosystème, avec l'ensemble des équipes éducatives, des enseignants de différentes disciplines, avec Camille, paysagiste donc, et jardinière, qui est à l'œuvre pour fédérer élèves, équipes éducatives, enseignants, parents, la commune à côté, tout un tas de gens. Et donc ça c'est en cours là, ça se termine normalement mardi, on fait les dernières plantations mardi après-midi et on ouvre les portes mardi à 18h pour faire visiter donc les haies qui vont être plantées, la pépinière forestière qui va être derrière le bâtiment pour que les jeunes puissent regarder pousser les jeunes plants et les replanter plus tard pour continuer l'installation du jardin. Et voilà, ils sont, ça fait totalement écho à ce que tu es en train de raconter. C'est une sorte de reprise du savoir, mais qui parle là, du coup, d'un établissement scolaire qui s'est ouvert à l'accueil d'une paysagiste. Voilà. Mais bon, en effet, c'est un gros... Mais en effet, c'est un gros travail d'équipe parce que c'est vrai que c'est pas des gros budgets aussi. Donc en fait, il y a tout un, faut mettre en branle en fait toutes les ressources locales au sens très très large. Donc ça passe aussi par les savoir-faire en fait de la secrétaire, de la chargée de comptabilité. Je sais pas exactement quels sont ses postes dans les collèges comme ça, mais en fait c'est des gens quoi. C'est Catherine, Sylviane. Et c'est vrai que ce projet, il est intéressant parce que... Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce projet. Et merci, Territoire Pionnier. Parce qu'en fait, on est dans une invention, un tricotage sur mesure avec en fait, les désirs, les compétences de chacun, au-delà des miennes que j'apporte et que je me service. Mais voilà, on a une personne qui est fan et qui est très calée en vannerie, en fait. Et d'un coup, on se dit, OK, on va faire du tressage et puis on va aller demander... à la commune, au lycée agricole à côté, nous ramener des brins d'osier. Enfin, c'est un détail, mais là, on est en train de faire des étiquettes avec des chutes d'ardoise parce que la chargée de la comptabilité a refait sa toiture, a des pinces pour découper. Mais c'est plein de petites choses. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais quand on les met bout à bout, en fait, on arrive à faire énormément de choses, sans compter l'énergie des élèves. C'est un sacré chantier hein, de faire ça avec des enfants. Ils sont pas toujours. Enfin voilà, donc c'est une espèce d'énergie comme ça qui nous déborde. Mais voilà, en gros, c'est vrai que cette question de se mettre en chantier, de mettre tout le monde autour d'un chantier, c'est. C'est comme moi, je vois une solution là-dedans. C'est comme ça qu'on fait. C'est un peu l'idée de chantier commun aussi. Sauf que là, on est encore un peu en train de parler. Il s'agirait d'aller dehors, il s'agirait d'aller faire. Et c'est vrai que se faire ensemble, c'est aussi c'est un moteur d'engagement aussi, un moteur de changement, de faire. Parce qu'on peut parler, mais être exemplaire dans le mode de faire, c'est aussi être témoin et emporter les gens à la fois par les relations humaines, à la fois par le témoignage aussi de ce qu'on a réalisé. Donc, et par la transmission, et par l'apprentissage, et par l'émancipation, l'incapacitation, enfin voilà, tout ça. Et moi, je crois beaucoup aussi au faire, et qui prend du temps, parce qu'il faut faire avec Christine, Chantal et Jean-Pierre, et voilà, et on va chacun à son rythme, voilà. Et puis... bon, on prend beaucoup, hein. On ne fait pas juste des petites étiquettes. Mais c'est vrai que je n'ai pas parlé beaucoup du vivant, mais en tout cas, évidemment, on a eu tout un travail aussi de discussions, d'échanges en fait sur toute la faune qui habite dans le bocage, et puis qu'est-ce que c'est le bocage, et puis quelles plantes constituent le bocage, la question du réchauffement climatique, enfin du changement climatique, le fait qu'on ajoute certaines espèces, enfin voilà, ça c'était notre socle un peu solide. Mais c'est vrai que enfin, pour vous c'est un lieu commun, je pense, mais c'est l'écologie au sens large, du moment où en fait on intègre ces questions-là avec les gens sur place, leur capacité, leur savoir, enfin ça fabrique quelque chose qui ça donnera ce que ça donnera, mais en tout cas c'est unique et c'est très ancré, unique au sens simple hein, du terme, mais ça, oui, ça fabrique quelque chose en fait qui est fort de fort de désir, de projection. Ouais, c'est vraiment le mot désir, quoi. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une énergie qui se met comme ça. Et, j'en parle pas très bien, je suis en train de le faire. Tu t'en parleras mieux mardi. Voilà, ouais, je trouve ça hyper important. Enfin, moi, je trouve que là, c'est un vrai travail politique de fond. Et je pense qu'il n'y a que par là qu'on pourra résister à ça, une espèce de banalisation de la catastrophe, quoi. Ou sinon, l'autre version, c'est l'impuissance, le sentiment d'impuissance. Je sais qu'en ce moment, il y a le mouvement climat essaie de trouver des stratégies pour interpeller les politiques. Donc là, dernièrement, c'était on balance de la peinture sur les tableaux, les choses comme ça. Moi, je ne crois pas à ces stratégies-là. Je trouve que c'est vraiment à perte parce qu'on attend que quoi ? Qu'ils prennent les bonnes décisions. Enfin, je trouve ça très étrange, en fait. Qu'ils refassent la peinture. Je trouve ça très impuissantant, en fait, de se mettre dans cette posture-là. Moi, je trouve que c'est plus compliqué, plus dur, moins spectaculaire de faire ce travail-là, de faire passer, de retisser des liens, de modifier les perceptions. Mais moi, je pense qu'il n'y a que ça qui, sur le long terme, va vraiment construire et permettre de faire advenir quelque chose d'autre, quoi. Et autour des enjeux de savoir aussi, une des choses qui est arrivée ces deux, trois dernières années et qui est vraiment intéressant, c'est la désertion des étudiantes et des étudiants. Ça, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un signal super fort. Alors, donc ça a été beaucoup l'agro-paritech qui dit, ils et elles ont dit, nous ne deviendrons pas agronomes, on veut pas jouer votre jeu. C'était pareil avec les ingénieurs et les ingénieureux, ou les ingénieuses, je sais pas comment on doit dire. Et en même temps, du coup, je pense que toi, t'es prof, puis on en a déjà discuté. On voit aussi toute cette jeunesse qui se pose des tas de questions, qui est un peu désorientée. Enfin, je pense que c'est compliqué. Alors, on appelle ça éco-anxiété. Je sais pas si c'est le bon mot, mais un des vrais enjeux par rapport à tout ça et par rapport à ce sentiment d'avancer dans des impasses, de devoir du coup bifurquer ou déserter, que c'est pas là qu'on trouvera les moyens de s'épanouir. Là, vraiment, à cet endroit-là, il y a aussi un enjeu du faire, justement. C'est qu'en fait, comment est-ce que, en désertant ou en bifurquant, on fait des choses ensemble qui créent du sens? Parce qu'en fait, cette anxiété-là, elle est souvent liée au fait qu'on n'est pas en train de faire. Quand on est en train de faire des choses ensemble, et c'est tout le truc des communs et des sociétés paysannes et tout, la vie, elle est difficile, mais on est en train de faire ensemble. Donc, en fait, il y a de l'entraide, il y a quelque chose. Enfin, c'est tout ce dont tu témoignes très, très bien. Et là aussi, je trouve qu'il y a tout un truc. C'est pas très concret, mais ça peut se concrétiser peut-être assez facilement. Mais ce truc vraiment de retrouver des manières de faire ensemble et que probablement que des tas de métiers ou d'études, de choses que nous faisons dans nos quotidiens, etc., on pourrait les déserter, bifurquer et faire des choses autrement. Enfin, là aussi, je pense qu'il y a un enjeu, on revient sur les questions d'affect et de désir et tout, mais je vois bien la difficulté de tout ça, et en même temps, plus on va œuvrer toutes et tous ensemble à des tas d'endroits pour qu'il y ait des espaces-temps pour faire. Peut-être qu'une des luttes principales qui recoupe tout ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, c'est là, quoi, c'est ouvrir des espaces-temps pour faire ensemble, quoi. C'est surtout ça qui nous manque, parce qu'en faisant, en ayant les mains occupées, on peut discuter, quoi. Enfin, Geneviève a parlé bien de ça hier soir aussi, le truc de la maisonnée, quoi. Alors, il est déjà 20h. Je vous propose un dernier petite réponse à ma question de chantier commun. Donc, quelle serait pour vous, tu viens d'en résumer un premier chantier, peut-être justement ce que tu viens de dire, Marin, mais peut-être Sophie et Philippe, un chantier commun qui ressortirait de nos échanges, de votre point de vue. Du coup, vu qu'on est sur les écoles, moi, un chantier que j'aimerais faire émerger, c'est ça, c'est créer une école terrestre, là où j'habite, en tout cas. Et du coup, ça, je trouvais ça, voilà, ça me plairait. Où on commence à penser toutes les questions d'école et de faire école depuis le point de vue du milieu, quoi. Et des non-humains aussi qui l'habitent. Et le temps que Philippe réfléchisse, ah, si je veux tricher, je vais faire une école aussi. moi, je serais pour une école de la subsistance avec tous les savoir-faire qu'on a complètement perdus. Enfin, en vrai, j'en ai discuté avec une personnalité politique il n'y a pas longtemps, mais vraiment réinscrire, même au niveau du collège, du lycée, tous les savoirs de la couture jusqu'à la cuisine, jusqu'au jardinage, jusqu'à tout, en fait. Enfin, c'est complètement incompréhensible qu'on soit complètement... Enfin, si, c'est compréhensible historiquement, mais c'est incompréhensible d'un point de vue de la société qu'on veut voir advenir, qu'on ne sache pas, en fait, subvenir un minimum à ses besoins en réparation, en logement, en culture, en tout, en fait, juste pour le... Voilà. Et je pense que le sentiment d'impuissance dont on parle, il peut venir aussi de ça, parce que quand, à un moment, on se tourne en dehors de là où on vit, qu'on se dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et en fait, enfin, à part taper sur un clavier, très honnêtement, voilà, j'exagère un petit peu, mais ouais, ça ne sera pas grand-chose. Et on se retrouve vite démunis, hein, même pour scier une planche et mettre le tréteau, il y en a qui ne savent pas faire. Donc, voilà. Donc peut-être que ce serait ça qui pourrait être mis en avant. Moi, j'ai déjà un peu répondu, mais j'ai quand même un chantier commun pour Territoire Pionnier, local, et qui serait quand même, moi, ça me ferait bien plaisir de participer à l'activer. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on lance une assemblée de l'Orne. Et on en a déjà parlé, c'est des choses qui traînent, etc. Mais toutes les personnes ici présentes ce soir, si vous avez envie de faire une assemblée de l'Orne avec nous, ça nous ferait plaisir parce qu'on a besoin de monde. On verra bien où ça nous emmène, on ne sait pas trop. Mais le réseau de Territoire Pionnier est quand même déjà dense, il y a plein de choses potentielles à imaginer. Et on a besoin de relais, d'ambassadeurs, d'ambassadrices, de gens qui se remontent les manches. Et voilà, essayons de faire une assemblée de l'Orne pour voir où ça peut nous emmener. Mais peut-être qu'on ira jusqu'à la Marménor, quoi. On ne sait jamais. Merci.